Vous êtes dans le podcast de Jadoul dans la trappe. Bienvenue. Le principe est simple. Hello. Soyez les bienvenus. On est avec vous pour déjà quelques exclusivités. Vous nous écoutez via les podcasts, autant vous régaler comme il se doit. On va avoir plein de choses dans ce que vous allez écouter. C'est vraiment un truc qui se consomme par petits morceaux. Mais sans modération. On peut passer ensemble les deux heures de podcast que vous allez entendre. C'est du condensé, c'est du pur jus, comme on dit chez moi. On va vous donner des petites exclusivités, comme par exemple l'heure d'arriver dans ce studio de Maëva, c'est-à-dire qu'elle est là, attends, pour ce bifort. Alors, vous ne comptez pas du tout sur sa présence à ce moment-là. Ça s'est joué à un poil de... On verra. De On veut savoir un poil de quoi. Eh bien, comme ça, on sait que Maëva est poilue, merci. Bon, on a quand même un petit truc en exclu là pour vous. C'est un son qui nous vient d'une radio qu'on aime beaucoup. Ah bon, ah bon? Oui, vous l'aimez peut-être autant que moi. C'est Radio Chevauchoir. C'est une radio qui a plus de 40 ans d'existence et qui est dans son jus, comme on dit. C'est-à-dire que rien n'a changé depuis le début. Et ils nous ont donné une super idée qu'on aurait peut-être dû suivre ici dans cette émission. Qu'est-ce qu'on fait pour remercier les animateurs qui ont participé à une année entière d'antenne? Une augmentation. Petite dédicace. Non, pas une dédicace, pas une augmentation. Un cadeau, une compile, un truc ainsi. Un album. 100 fois mieux. Tout ça nous est résumé par Bernard, animateur de l'émission qui s'appelle, je crois, Fréquence ou. Non, ça s'appelle Stimulation Sensible ou. Waouh, un truc du style. Ouais. Impédance, que ça s'appelle. Impédance. Ouh. Oh. On écoute Bernard. Bien, pour remercier vos animateurs de l'année écoulée sur Radio Chevauchoir, bien Radio Chevauchoir vous propose d'offrir par son intermédiaire une ou plusieurs boîtes de biscuits. Attendez, de whisky. Biscuits. Une boîte de whisky. On a entendu whisky. Oui. Non, biscuits. Biscuits, whisky, niski. Bon, réponse. Une ou plusieurs boîtes de biscuits, pas de whisky, bien sûr. C'est des biscuits. D'accord. Je propose, Bernard, qu'on reprenne depuis le début. Et s'il te plaît, on ne s'énerve pas, parce que je le connais. Quand Bernard bafouille, il bégaye, il parle de plus en plus fort, et puis au final, il lance un disque. Non. Ah oui, si, ça c'est Bernard. Bien, pour remercier vos animateurs de l'année écoulée sur Radio Chevauchoir, bien Radio Chevauchoir vous propose d'offrir par son intermédiaire une ou plusieurs boîtes de whisky, pas de whisky bien sûr, c'est des biscuits, que vous achetez au studio. Nous les offrirons de votre part. Okay. L'action est 2 boîtes pour 2,50€ en liquide ou en compte, ou sur le compte. Eh bien, n'hésitez pas, hein, si vous voulez remercier les animateurs de votre radio. Droit au but. Eh bien, faites ce qu'il faut faire. Ou si vous n'êtes pas certain, eh bien, vous téléphonez au 0477 59 48 43. Allez, Jennifer. Allez, elle m'a fait chier celle-là. Je suis pas sûr là, à mon avis il a vraiment pris du whisky pour le coup, parce qu'il a eu du mal. C'est pas du whisky. Allez, c'est une émission spéciale Noël qu'on vous a concoctée. On l'a fait en direct, dans les conditions du direct, ce 20 décembre. Vous la consommez peut-être 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Vous êtes peut-être là en ce moment en plein réveillon de Noël. On vous accompagne. Vous avez choisi Jadoul en podcast et comme toutes les semaines, c'est gratuit et c'est là pour vous. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est du direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Bonjour. Bonjour. Maïté, vous m'avez dit qu'aujourd'hui on allait faire la fête. Oui. Alors, que fait-on pour un repas de fête Eh bien, chez moi, on fait un repas de fête, on se met à table et on y reste bien un bon moment. Alors, pour être un peu à table longtemps, non, on fait bon. Plusieurs plats. Mais, oui, merci Maïté, on fera pas de plats ce soir. Non, mais j'étais un peu à la bourre là pour arriver dans le studio. Merci Maïté d'avoir pris la relève. On peut toujours compter sur elle. Hein. Oh, elle est forte. Ouais, toujours là au rendez-vous. On est le 20 décembre, soyez les bienvenus. Vous sentez la magie de Noël là, ça y est. On y est. Avec les décos partout, c'est magnifique. Petite pensée à tous ceux qui détestent les fêtes. Oui, c'est vrai. Là, ils sont servis. Il n'y a personne qui déteste vraiment les fêtes. Oh, si ça existe. Non, il déteste dépenser durant les fêtes. Même ça, c'est autre chose. Même le Grinch, son cœur, il a grandi d'un coup grâce au bonheur des fêtes. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Vous parlez pas de moi là, hein? Non. Quoique. Ouais, ça. Tu veux pas qu'on chante une chanson de Noël, ça va t'aider. Mais moi j'aime les fêtes, j'aime Noël et j'aime tout ça, hein. Ah ouais? Bah attends, sinon on n'aurait pas customisé tout l'habillage de cette émission avec des clochettes quand même. Ouais. Tiens, je te rajoute une cloche. Voilà. Qui sort de là? Toi, attends, je vais te secouer, tu vois, ça va vite être réglé. Ah, c'est mignon. Oui, c'est vrai que j'aurais pu te mettre ce son. Et là, c'est un peu plus vexant. Voici l'info du jour, le secret de Santa. Vous savez ce que c'est? Oui, chez moi, on appelle ça la cacahuète. Oui, aussi. Donc en fait, le principe, pour ceux qui connaissent pas, c'est d'offrir un cadeau à quelqu'un de la boîte, c'est secret. Voilà, c'est ça, c'est voilà, un cadeau secret pour que tout le monde soit content dans la boîte et que ça donne une bonne ambiance au travail. Bonne dynamique. Okay. Chaque année, les gens dépensent en moyenne 15 euros pour un cadeau offert à un collègue. Ouais, c'est la moyenne. Ouais. Et vous dans l'équipe? Deux. Pour les gens de l'équipe ici. Bah, c'est-à-dire que on n'a pas assez sur notre compte pour offrir de... même pas 15 euros. Attends, ouais. J'allais dire passe ton bic toi, mais c'est même pas son. Il voudra pas le passer, c'est son. Quoi? Apple Pen. Pencil. Pencil. Ah oui, non, mais il écrit pas, hein. Tu peux essayer d'écrire avec un Apple Pencil, mais. Vas-y, essaye. Mais non, je voulais te l'offrir. Ah oui, bah ça vaut du fric par contre. Ça, c'est un beau cadeau, hein. Bienvenue. Je vous propose qu'on fasse un truc. Avant de retrouver nos séquences habituelles, le pour toi de la semaine, ce sera l'amour et dans le pré. On va avoir le top 5 des pires cadeaux de Noël, justement, en parlant de ça, Maëva. Je vous propose qu'on accueille, comme on a accueilli Saint-Nicolas. Oui. Il faudrait qu'on accueille pour bien faire. Non. Le Père Noël. Papa Noël. Eh oui. Oh, magnifique. Il a pas le temps génial. De faire ça. Alors, génial. Je vais lui laisser ma place parce que ce studio ne comporte que 4 places. Ah oui. Pour présenter l'équipe, je vous demande de faire l'introduction. Et on accueille le Père Noël. Entendez ? Est-ce que vous êtes là ? Oh, mais oui, c'est on est là. Monsieur Noël, bonjour. Enfin, bonsoir. Oula. Attendez, ça va aller. N'ouvrez pas, il y a encore du travail. Je crois qu'il a volé quelques-unes de mes cigarettes. Distribuez les cadeaux avant de décéder, s'il vous plaît. Je vais faire la mission que Jadoul m'a confiée, c'est-à-dire présenter tous les gens de cette équipe. Waouh. Bonsoir Antoine. Bonsoir Père Noël. Tu m'as écrit dans ta lettre cette année que tu souhaitais vivre un moment privilégié avec Clara Luciani. Eh oui. En 2024. J'ai bien compris ce que tu sous-entendais, petit coquin. Si tu savais. Deux options s'offrent à toi. Soit j'offre un déguisement de Clara Luciani à ta compagne qui, pour le rappel, s'appelle... Angélique. Clobas. Mais une autre option s'offre à toi. Mes lutins pourraient aller convaincre Clara Luciani de passer une nuit avec toi et Angélique. Mais la seule condition pour réaliser cette belle soirée en nombre, super, c'est que Christian Vidal soit avec vous dans la chambre. À vous regarder. En tout cas, c'est le souhait qu'a exaucé Christian Vidal dans sa propre lettre. Et pour finir ta lettre, Antoine. Oh non. Le RGPD m'interdit de répondre à ta dernière demande qui était en conclusion de ta lettre. Tu n'auras pas le numéro de Clara Luciani. Il faudra faire sans. Aïe, aïe. Joyeux Noël, Antoine. Merci, Père Noël. Mais Père Noël, calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Ma tendre enfant, à la frange folle. Ah, il te regarde. Oh là là. Tu veux venir sur les genoux de Père Noël? Non, ça va. Merci, c'est gentil, Père il Noël. Il te dévore du regard, là. J'aurais aimé au moins t'accueillir sur mes genoux pour te consoler. Malheureusement, je ne pourrais pas répondre favorablement à l'intégralité de ta lettre. Oh. Je ne suis pas en mesure de retirer tous les radars des autoroutes belges, ni de venger toutes les personnes qui t'ont contrarié cette année. Oh. Oh. Je remarque qu'avec ta lettre, tu m'as joint un petit message vocal. Il a des bonnes grosses burdes. Père Noël, enfin, c'était privé. Oh, tu n'as pas été tout à fait sage cette année de ce que j'entends. Aussi. Mais finalement, avec ce message vocal, qui a retenu toute mon attention? Je peux trouver un compromis. Ça tente de devenir ma mère Noël? Je vais y réfléchir, d'accord? Joyeux Noël, Maëva. Joyeux Noël, Père Noël. Oh, oh, oh, oh, oh. Oui, ça Oula. Fait des années que je le fais, j'essaye de varier. Oh, mon petit garçon, que la vie n'a pas hésité à éborgner. C'est moi, ça ? Kix. Oui, bonsoir. Père Noël. Bonsoir, Père Noël. Je n'ai pas réussi à lire ta lettre. Oh mince ! Pourtant, je me suis appliqué, hein. Oh, je t'offre, comme l'an dernier, un cahier d'écriture et un rendez-vous chez l'opticien. Courage, petit bonhomme. Merci, Père Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Et une bonne émission. Vous avez fini vos conneries, là, parce que vous avez dérangé un grand monsieur pour ça. Vous êtes sérieux? Oh, c'était formidable. C'était génial. Ah, il repasse quand il veut. Ah, qu'est-ce qu'on arrive. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Dans un instant, on va débriefer l'amour et dans le pré. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Présent. Oh, j'ai pas mis de bed, tiens. C'est vrai, ça fait un peu nu comme oui, ça. Oui, ça, ça fait un peu vide. Ça fait RTL. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. Tu veux que je fasse un petit peu de musique en attendant que tu le trouves? Il faudrait qu'il y ait des spécialistes autour de la table. Oui, voyez. C'est ça, on va annoncer quelque chose de grave. Alors, par rapport à l'affaire Gérard Depardieu, Maëva, pouvez-vous nous en dire plus? C'est un scandale, c'est un scandale. Attendez, notre éditorialiste est en train de prendre la parole. Je trouve c'est un scandale. Comment peut-on avoir des propos ainsi, franchement? Même si c'est une personnalité connue, on ne peut pas se permettre de dire des choses. Oui, mais la vraie question, est-ce qu'il faut. Alors, je suis désolé, là, vous me prenez au dépourvu. Remets le bed, s'il te plaît. Ouais, il faut remettre un bed là parce que. Comme quoi, c'est pas donné à tout le monde de faire de l'édito, hein. Ah, c'est bien. Oh, le jugement dans la tête d'Antoine. Ouais, je ne rajouterai que pouette. Ouais, pouette, pouette, pouette, pouette. Pouette, pouette. Et voilà. On n'est pas fait pour faire ça. On va plutôt faire nos. Pour raconter des conneries. Conneries habituelles. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? Ah, c'est un sujet plus léger, ça. Bah, moi, oui. Eh ben, non. Même pas. Non, Antoine oui. Non, non, non. J'ai traité L'amour est dans le pré dans l'actu ce matin. Parce que c'est dans l'actu télé, L'amour est dans le pré. Ah, oui, bah, tu peux nous le dire. Oui, puisqu'il y a un changement de présentatrice. C'est une info qu'il annonce ce matin. Donc, il ne sonnera plus Sandrine Danse. Je suis triste. Voilà, qui avait pris le relais de Julie Taton. C'est Maria Del Rio qui présentera dorénavant. Ah, bah, ça va, elle est cool aussi. Ah, celle de la radio au dauphin, là. C'est ça. Embrasse aussi, bien sûr. On va tous les embrasser. Que des dédicaces ce soir, c'est incroyable. À bah, force d'embrasser tout le monde, on va avoir des maladies, nous. Hein. Bon, RTL a diffusé un petit souvenir des pires gaffes de ces 15 dernières années dans l'amour et dans le pré. Hein, Maëva? Oui. Les 15 dernières années. Les 15 dernières non, années. Et c'est quoi? Les pires. Non, les fais pires. Pas de phrase. Moments des 15 dernières années de l'amour et dans le pré. Tout à fait. Dis-moi. Et Bon ordre. Se retrouver dans une ferme peut parfois réserver de belles surprises, car oui, même si le but est de trouver de l'amour, il y a quand même quelques activités à réaliser. Comme si vous étiez en fait des fermiers. Des fermiers. Notamment tenter d'attraper un mouton. Oui, voilà, ça a plongé toute la toile dessus. Donnez-lui un coup de main. Ou bien essayer de porter un petit cochon. Et mais il fait chaud ici en plus, hein. C'est Ça a l'air drôle de porter un petit cochon. Bah oui. Des séquences tout à fait radiophoniques. Ah, ça me fatigue. Et ça est fatigant. C'est inaudible. Ne serait-ce pas plus facile d'abord d'amadouer les animaux? Moi, je pense que si. C'est pourquoi, à mon avis, il faut d'abord savoir monter à cheval. On va essayer de trotter un peu, si tu veux. Trotter. Allez. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Un petit coup de talon. Un petit coup de talon. Voilà. Ah mon Dieu. Stop. Stop. En arrière. En arrière. Tire sur le voilà. Merci stop. Jadoul pour la démonstration. Non mais comme je suis sur ma chaise haute, là j'ai l'impression d'être sur un cheval. Oui. Bon, laissez tomber les animaux. On va plutôt se diriger vers les champs. Allez, on va essayer de faire quelques plantations. Ok. Pourquoi pas. Ah, ça logiquement, ça devrait être un petit peu plus simple. Enfin, j'espère. Mettez-vous à deux sur la tige, allez tirer à deux, c'est mieux. Bah dites donc. Okay. D'accord. Mettez-vous à deux sur la tige, quoi. Oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? Merci pour le tracteur à la fin. Ça a l'air super fun de l'amourer dans le pré, en fait. Quelle heure c'est diffusé, ça? Non, vaut mieux pas savoir. Bon, elle s'est arrêtée avec son tracteur pour se moquer. Jusqu'ici, la femme... Ok, attendez, je la refais parce que c'était pas français ce que je viens de lire. Je remets les mots dans le bon ordre et je le lis. D'accord, elle s'est arrêtée avec son tracteur pour se moquer. Jusqu'ici, la vie à la ferme n'a pas l'air facile. Alors, mettons ça de côté et concentrons-nous plutôt sur les relations entre agriculteurs et prétendants. Je suis mauvais, je vous donne un coup de main, mais deux autres. Bon, j'ai que deux fourches, par contre. Ah bah, chacun son tour. Ou nous deux, hein, tout simplement. Bah ouais, nous deux, tout simplement. Allez, on va le faire. Et je vais vous regarder travailler. Bah, tu nous regardes pour une fois. Ah, ça a pas l'air mieux, hein. On va super. Non, ça donne pas très envie. Il y a un peu de tension. Quand on est tendu, qu'est-ce qu'on fait? Du cheval? On s'écarte, je sais pas. Bah non, on fait une sieste. Ah, ah oui, bah oui, bien sûr. Et ça, les prétendantes ne s'y attendaient pas vraiment. Mais est-ce que on va le réveiller? Ben écoute, parce que si on le réveille et qu'il est de mauvais poil et que ça va pas nous arranger, ça. Si, il dort. On va tirer à la courte paille. Qui va le réveiller? Ben on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, c'est tout. Et on va voir. Je crois qu'ils vont aller voir. C'est... Oh, oh, Jadoul. Jadoul. Faut continuer là. Ah, quelle connasse! Non, mais imaginez, le mec, il se réveille vraiment comme ça. Bon, on veut tout savoir. Ont-elles réussi à le réveiller? Eh, hey, on t'attend à nous. Bah, on t'attend, ben moi je dors bon. Mais... Ouais, mais attends, parce que moi je suis arrivée comme ça et je me dis si je fais ça, est-ce que l'animal bondit ou. Après, évidemment, au bout du tracteur, ça se réveille, ça. C'est parce qu'il m'a téléphoné. Ah, de Ok, conclusion. Vivre à la ferme, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tous les mercredis dès 20h. Avec Jadoul dans la trappe sur KIF. Je vous propose qu'on découvre ce que Maëva va nous expliquer dans son Fallait nous lire plutôt dans moins de 3 minutes. Maëva, qu'est-ce qui va nous rendre moins bêtes ce soir? Mais je vais essayer de vous faire deviner quelque chose. C'est qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les casinos de Las Vegas? Vous vous trouviez qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les casinos de Las Vegas? Des vigiles? Bah si. Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir? Des machines à bonbons. Des plus grands casinos du monde, il y a forcément des vigiles. Des machines de bonbons. Un distributeur de bonbons. Bon. Des fenêtres, comme chez Ikea. Je sais pas. Peut-être. Ah, je m'en approche. C'est un des éléments de réponse. Mais c'est pas le principal. Attends, t'as dit des fenêtres comme chez Ikea. Oui, bon, bah, c'est pas maintenant. Réfléchir les gens. Allez, on va laisser réfléchir les gens. En attendant, c'est Noël. Je m'attendais pas à ça. Tu joues bien, pas? Bah ouais. Ah non, je peux pas parler du coup si c'est dans le tuba. Ça change. Oui, écoute, on n'en peut plus de l'autre. Allez, voici le top 5 des pires idées cadeaux pour Noël. Car là, on est le 20. On peut toujours se rattraper si vous n'avez pas pu commander en ligne. Là, c'est trop tard pour que ça arrive sous le sapin. Mais vous pouvez trouver, par exemple, les objets qu'on va vous proposer. En 5. Vous aimez la galette des rois? Oui. Oui. Vous aimez les saucisses? Oui. Oui. Maëva, dis-le. J'aime les galettes des rois et... Est-ce qu'il va avec? Non. Allez, non, dis-le après, nous. Non, après ça va revenir comme l'autre. Ouais, on va découper le sang. Bah oui. Tu nous connais. Ouais, donc si vous aimez les galettes des rois et les saucisses, c'est parfait. Pour les fêtes, défoncer vos plombages avec des saucisses de la boucherie Antoine Muller, qui a caché des fêtes dans des fèves. 5. Oui, qui a caché des fèves dans 5 des 500 saucissons fabriqués. Okay. Donc, celui qui trouve une fève peut remporter des prix tels qu'un diamant d'une valeur de 800 € ou une montre Garmin. Waouh. Bah, ça peut vous payer vos frais dentaires une fois que vous vous êtes pété la dent contre la fève. Et vous pouvez les revendre et tout, ça peut faire un truc sympa. Et quand on l'a, on peut dire coucou Garmin. Ah. Parce que aussi ça se prononce Garmin, mais c'est pas grave. Mais ça va, je suis bête, moi. Garmin. Moi, bah, en vrai, j'aurais dit Garmin. Aussi. En vrai, c'est des beaux cadeaux. Mais oui. Oh là là. Et ça va. Et moi, je découvre la vie. J'ai pas l'argent, moi, pour me payer cette Garmin. Truc-là. C'est ton deuxième jour de radio aussi, on le rappelle. Oui, bah, moi, je débute. Hein, c'est mon premier jour même. Ah. Enchanté. Bienvenue. Ah, en deux. En 3, en 4 dans le top 5. En 6. Bonjour. En 18. Et soyez indulgents, hein. Premier jour. Le temps des cadeaux. C'est Foucault là. Attention Jean-Pierre. Je disais donc en 4 si vous avez. Mais ça fait du bien un peu de Coluche juste pour ne plus bafouiller derrière. Ouais. Ça nous reconcentre. C'est pas sûr encore. Si vous aussi vous avez perdu vos cordes vocales en chantant, bah justement on en parlait, mais pas cette chanson là, mais Allumez le feu. Et que vous ressemblez aux trois quarts des habitants français, tellement il y a de fans de Johnny, la maison Manouvrier a créé 3 parfums de glace en l'honneur de l'artiste en marge de l'exposition qui lui a été consacrée à Paris. Attends, des glaces, des glaces. Mais, c'est quoi, mais c'est quoi le goût de Johnny? Bah je sais pas, s'il aimait les motos goût pétrole. Oh. Et tu ris, mais. Le goût de dessous de bras. Ils vont nous faire combien de trucs détournés avec Johnny? Il y a déjà la montre là où il y a un petit morceau de sa veste dedans. Mais la montre, c'est beau encore. Ça peut être encore tant qu'on peut se faire du glace. Pognon sur Johnny. Avec sur Johnny, on va. Ça va déjà faire quoi, 5 ans qu'il est parti? 2018? Ouais. Ouais. Allez, une bûche pour Johnny. Une bûche, allez. C'est le Père Noël. J'ai dressé le parfait tableau, déchiré le papier cadeau. Je sais que c'est pas beau. Faut que la mallette tourne. Ouais, fallait. Vachement, j'arrive. Je m'amuse. Kitty, il a commencé à s'amuser, il tapait des mains. Et il y a Jadoul qui l'a regardé, qui lui a fait juste. Ah, mais non, c'est mort. Non. No. Mais non, mais dites-vous que. La pièce résonne déjà, donc ça veut dire que Kix, c'est le seul à. Il n'y a pas de public. Donc, il y a une musique, et moi, je vois Kix devant moi qui est là. Il teste l'acoustique. Merci, il teste l'acoustique, voilà. Mais je suis dans l'ambiance. On s'amuse. En 3. Des entrées pour aller voir Sia, ça vous intéresse? Ah ouais. Pourquoi ouais. Pas donc, vous est-ce qu'il y a des fans de Sia ici? Ah, pas non, fan, mais pas moi j'aime fan, bien. Non. Mais... Eh bien, c'est parfait. On va vous inviter. Hein. Yes. Ça nous coûte pas grand-chose. Bah, ça coûte pas grand-chose d'aller voir Sia. Bah, quand même. Le Salon International de l'Agriculture. Ah ouais, ok. Ouais, non, c'est pas... Ah non, non, parce qu'il y a la c'est chanteuse. C'est pas la chanteuse, non, ok. Non, non, oh là là, ouais, non, ça c'est peut moins faire cool. Un chouette cadeau, non? Bon, ok. Allez, tant pis. C'est pas le même délire. Tu combines avec L'Amour est dans le Pré de tout à l'heure. Mais ça dépend si c'est l'année des animaux, des machines, un truc comme ça. Ils font un an sur deux. Et quand c'est l'année des animaux, il y a des trucs à manger. C'est vraiment chouette, hein. Bah, déjà que l'info était barbante, là. C'est-à-dire que tu peux manger les animaux que tu vois, mais c'est non, ça? Non, mais par exemple, il y en a, il élève des vaches. Et ben, il va mettre un petit stand où goûter ma vache. Bah. Moi j'adore la viande. Écoutez, les vaches m'attirent, mais il faut qu'elles soient bonnes. Alors quand j'en vois une, je m'arrête, je la regarde et je salive. Voilà. Merci, merci. Et je salive. Ouais. Je sais pas si c'est de bon ton de diffuser Gérard Depardieu maintenant. Non, peut-être pas. Allez, on fait l'avant-dernière. Visiter une ville pour les fêtes, ça vous tente? Ah, ça oui. Oui. Ah, ça peut faire un chouette cadeau. Eh bien, on peut faire comme ce couple d'Allemands qui a décidé d'aller à Anglais, à Dortmund, en Uber. Il aura fallu 14 heures. Quoi? 14 heures de trajet. Et la facture est tout autant acceptable. 2100 euros pour un trajet de 1340 km en Uber. Bah oui, super. Ils étaient bêtes. Ça va ou... À petite info, grâce à ça, ils ont établi quand même un record de la dépense sur la plateforme Uber, hein, VTC, qu'on cite quand même, en 2023. C'est le record. Okay. 2100 euros pour une course. Mais c'est dingue, mais qui va dépenser autant d'argent, quoi, les... Déjà, une course de 5 km, je trouve ça cher. Alors, tu restes chez toi, à ce moment-là, tu bouges pas. Hein. Enfin, ceci dit, j'embrasse quand même tous les VTC, les Uber et tout ça qui nous écoutent, parce qu'ils sont très nombreux. Et c'est pas facile de se battre pour les conditions de travail et avoir quand même un peu de thunes à la fin du mois sans être un esclave. Et dernière info. Et de devoir aller jusque dans ce moon. Oui, bon, ça, il faut se le taper quand même. Hein. C'est sûr que le gars qui a accepté la course, il voit et fait. Quoi ? Bon bah. Au Dortmund, le village d'à côté ? Non, Dortmund en Allemagne. En number one, dans les pires cadeaux de Noël, voici une idée. L'album de Jean-Baptiste Guégan. Mais c'est vrai, il a sorti un album de Noël, vous étiez pas au courant ? Si, enfin moi j'ai déjà entendu, non. Mais vite fait. Ah ouais ? Bon, on en écoute un extrait. Petit papa Noël. C'est le sosie vocal à Johnny. Quand tu t'es. Arrête, tu vas l'insulter. Alors, c'est peut-être une balle perdue, ça, mais. Il y a des gens qui seraient contents d'avoir ce cadeau, je pense. Vraiment ? Oui, des fans de Johnny. Oui, mais non, il veut plus qu'on l'associe à Johnny. C'est Jean-Baptiste Guégan. Qu'il arrête de chanter comme Johnny, alors. Attends, écoute la voix. Est-ce que tu penses que ça fait Johnny ? Vive le vent ! Vive le vent ! Pardon, ça m'a échappé. Bon, dans un instant, on va savoir pourquoi est-ce qu'il y a des casinos à Las Vegas. Exactement. Non, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les casinos de Las Vegas ? Ah, il manque un truc. Il manque. Il y a un truc. Un chiffre, comme dans les buildings américains ? Non. Un chiffre ? Oui, il y a des étages qui manquent dans les ascenseurs. Ah oui. Ah bon ? Ouais. On apprend encore des choses sans même le savoir, sans même le vouloir. Je vais bousiller une chronique là. Oui, mais t'as pas dit pourquoi il n'y a pas. Ah oui, je n'ai pas dit pourquoi. Oui, c'est vrai, ça peut faire l'objet d'une chronique. Très grosse semaine prochaine. On l'aura pas ? Non, mais. Ok, bon, bah, ça va. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Oui, ça va. On va attendre. Il est impatient. On l'est tous, même les auditeurs le sont. Ils veulent savoir. Notre invité dans l'interview brutale, Kix, ce sera. Nina Métayer. C'est qui ? C'est une pâtissière française. Ah, bah, c'est super. Avant ça, argent, s'il vous plaît. La pub ? Mais bien sûr, de la publicité, même en période de fête. Et voici maintenant la publicité intelligente de Radio Falminiul. Cette diffusion nous aidera à payer l'électricité et bien sûr aussi le courant. Vous construisez, rénovez ou transformez. Pour vos sols et murs, vous souhaitez acquérir des carrelages premium, intemporels, à l'épreuve du temps qui passe. Bienvenue à la SNCB, en partenariat avec les stations de métro de la STIB, entreprise de vente de carrelage européen à rapport qualité-prix sans concurrence. Il suffit de visiter une gare ou une station de métro et de vous servir selon vos besoins et exigences. Tout est gratuit. Les trains ne passent plus dans ces lieux, ou presque plus. Ce carrelage ne manquera à personne. Vous serez judicieusement conseillé par un spécialiste dont le but est de concrétiser parfaitement vos souhaits d'acquérir le carrelage idéal et facile d'entretien. Le chef de gare a tout son temps depuis le temps qu'il n'a pas vu un voyageur. GSM 0493 43 730 76 68. Joignable aussi par courriel info@belgianetrain.be. Rejoignez la famille des cheminots sur Facebook pour vous tenir au courant des nouveautés et trouver l'inspiration pour votre projet. Avec le self-service des infrastructures de la SNCB et station STIB, chaque pas est un voyage. Voilà, bah avec ça nous autres, on pourra tenir une semaine de plus. Bonne écoute de la suite du programme. Quel bonheur, il ne faut jamais s'arrêter. Franchement, on passe une belle soirée et ce n'est pas terminé. Ce soir, car c'est les fêtes. Et comme c'est les fêtes, on a décidé de vous faire un cadeau. Ah ! Mais bien sûr. Un beau cadeau. C'est la dernière émission avant Noël. Oui. Donc qu'est-ce qu'on a décidé ? Bah, de faire l'émission tout nu. Non, je rigole. Ah non hein. Ah merde, attends c'est con, j'ai mis un tricot de laine. Non, on a décidé de vous offrir une émission de 3 heures. Wow. On est ensemble jusqu'à 23 heures. Ils sont au courant, tiens. Non, parce que les bâtons sont au courant. Peut-être prévenir la radio. Aïe. Attendez, parce que je pense que Ah non, si, si, sont au courant. Sont au courant. Oui, oui, c'est validé. Parce que comme c'est pas nous qui choisissons l'heure de raccrochage, j'avais peur qu'ils nous raccrochent la gueule à la mauvaise heure. Ok, donc c'est ok, on fait 3h là. 23h. Jusqu'à 23h. C'est ça. Enfin, en théorie. En total live, c'est ça qui est génial. 20h33, merci de nous avoir choisis. Eva. Quoi? Tu dis de ces bêtises. Oh là là. Mais c'est pas des bêtises. On a un rail métallique avec des écrans et des haut-parleurs là au plafond du studio. Et t'as appelé ça comment? Ta barrière. Une barrière. Une barrière. Bah franchement, peut-être qu'une barrière ça aurait été moins cher. Peut-être. Tous les mercredis dès 20h, oui, c'est avec un bon morceau de gâteau. C'est avec Jadoul sur KIF. Eh bien voilà. Merci Simone. Merci pour ce single, je l'oublie à chaque fois et je le redécouvre, ce qui n'est pas plus mal. Vous allez tous bien, très, tout le monde est bien. En forme, oui. Est-ce que il y a des problèmes dans la vie? S'il y a des problèmes, moi je les règle. Hein. Alors oui. Comment? Oui, il y a un petit problème à résoudre. Alors, toi, t'as un vrai problème, toi? Oui. Toi, t'as un vrai problème dans la vie? Non, alors ma maman qui nous écoute, voilà, qui nous écoute et que j'aime. Coucou mon kiki d'amour! M'a envoyé un message pour dire, c'est bizarre, ça ne fonctionne pas. De quoi, elle voulait écouter l'émission? Voilà, elle voulait écouter l'émission, elle m'a dit c'est bizarre, ça ne fonctionne pas. Mais elle interagit en même temps que l'émission. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure il y avait le Père Noël qui était là, et ben elle a demandé son cadeau. Donc je lui ai demandé comment ça se fait que tu entends le Père Noël si tu dis que l'émission tu ne l'entends pas chez toi. Tu te fous de moi? Et donc je lui ai dit mais ça veut dire que du coup tu nous entends. Et là elle a dit oui, je vous entends mais je ne vous vois pas. Oui maman, c'est le principe de la radio. Il n'y a pas d'image. Mais maman Kix, comment c'est possible? Je veux dire... Non. Cela dit, elle nous écoute. Coucou. Mon kiki d'amour. Oui maman, oui. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a un seul moyen de savoir si elle nous écoute. J'ai mon téléphone près de moi. On attend le message. Le petit grain de voix quand même de la maman de Kix. C'est bien la preuve qu'on est en direct, hein. Oui, bah c'est pour ça. Bah, j'attends de voir le message là. Mais ah bah voilà. MDR, tu es un moqueur. Ah parce que. Oh, donc elle nous écoute bien. On embrasse maman Kix. C'est fou. Ah, c'est trop mignon. Bon, il y a d'autres choses à faire parce qu'on va pas faire des dédicaces toute la journée. Ah, mais justement. Oh non, c'est terminé. Je vous propose plutôt qu'on se concentre. Monsieur Brut, ça vous grandit. Il est temps de faire l'interview brutale. Le principe est très simple. Vous devez compléter une interview du média brut. Et si vous n'êtes pas drôle dans vos questions, vous vous faites brutaliser un bon coup. Ok. Ok. Très simple. C'est sympa, c'est simple, c'est efficace, délicat, c'est doux, c'est sans violence. Voilà. C'est l'esprit de Noël. C'est oui, bah oui, oui, oui. Voilà. Oh yeah. Bon, il est où mon texte? Il est là, voilà. Notre invité du jour est une pâtissière française, élue meilleure pâtissière de l'année en 2016 et en 2017, ainsi que meilleure pâtissière mondiale de cette année 2023. Mais alors, qui est-ce? C'est Nina Métayer. Nina Métayer, quel joli prénom. Bonjour madame. Bonjour. Ah, elle est parfaite. Hein. J'imagine que vous connaissez le concept du jeu, hein, et que vous êtes prête, vous. C'est le moment qu'on attend. Oui. Remets-le celui-là. C'est le moment qu'on attend. Ouais. J'ai un truc à rajouter. Oui, vous les avez pas très très bien coupés, mais ça ferait la fin. Non, c'est vrai que les trois là étaient mal coupés, mais les autres sont très bien. Mais je le savais hein, quand je les ai mis dedans. Un j'ai essayé de faire un truc de propre. Cette séquence. J'adore. Et pour une fois, j'ai tout préparé. Oh. Ah oui, je veux dire que je suis arrivée ici, c'était déjà prêt. L'émission de 20h à 23h est prête. Presque. Mais l'interview brutale, oui. Ah ouais. On crie pas victoire quand on n'est pas tout blanc. Hein. Aïe, aïe, aïe, Maëva. Bah, t'as bien fait de l'ouvrir, on commence par toi. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on dira début janvier quand on aura enchaîné les repas de fête non-stop pendant plus d'une semaine? On n'a plus faim. Pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Antoine? Quand on arrive au rayon poissonnerie du magasin. On n'a plus faim. Oh, c'est vrai ça. Oh si. Oh non, le poisson. Poisson. On n'a plus faim. La vieille poiscaille. Ah non. Oh non, moi je fais plaisir. Justement, Kix. Quelle est la phrase que tu as le... Bon, merci. Quelle est la phrase que tu as le plus répétée chez tes grands-parents? On n'a plus faim. Oh, c'est vrai. Oui. Moi, ma grand-mère, elle comprenait pas. Elle venait avec un Tupperware. Elle fait, tu prendras un peu de jambon. Non, j'ai plus faim. Ouais. Bah, T'aimes plus le jambon? Mais non, non, j'ai juste plus faim. Attends, boum. Attends, avant t'aimais bien le jambon. Comment ça se fait que maintenant tu n'aimes plus le jambon? Tiens, prends. Mais ça ne s'arrêtait jamais, c'était pas possible. Le moins drôle d'entre vous, juste... Maëva. Mais pourquoi? Parce que tu t'as dit que t'étais pas prête pour la suite. Mais... C'est gratuit. Mais... C'est gratuit. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est Antoine qui était pas drôle. Maëva. Aïe. Et c'est fini. Antoine, on y va, deuxième question. Les antennes de mon futur routeur Wi-Fi. Faut qu'elle soit belle, faut qu'elle soit élégante. Je suis ingénieur informatique. On y va, Maëva. Quand au réveillon t'auras un peu trop bu, pour le cacher à ta famille, la clé c'est ta démarche. Faut qu'elle soit belle, faut qu'elle soit élégante. C'est vrai, un peu long, mais c'était drôle. Bah vas-y, je recherche quelque chose de... Enfin, voilà. Vas-y. Un cherche. Kix, attention, pour réussir parfaitement des crêpes, la première... Faut qu'elle soit belle, faut qu'elle soit élégante. Voilà. Généralement, on dit que si la première est moche, le reste est nickel. Ouais, en théorie, mais c'est là... C'est pour ça que la première personne que j'ai engagée dans l'émission, c'est Kix. Merci. Et du coup, le reste, non, c'est pas le vrai. Reste, il est nickel. Enfin, je sais plus. C'est moi? J'ai un doute. Sur cette radio, oui. Ah, ok. Mais du coup, le reste, il est nickel. Allez Maëva, ressaisis-toi sur la dernière. On commence avec Antoine quand même. Quand tu vois un embouteillage en approche sur le ring... Bah on rentre un petit peu dedans et puis on se dit c'est bon. C'est vrai. On peut dire pareil avec les fils au supermarché. Bah on rentre un petit peu dedans et puis on se dit c'est bon. Maëva. Quand t'enfiles n'importe quelle chaussure pour aller aider ta mère à décharger... Allez, et qui... Bah, c'est super drôle. Non mais je rigole. Oh ça va. Non mais... Refais-la. Non mais non, non. Refais-la. Non, t'as loupé le coche. Oh, t'es grand. Redis-la. Quand t'enfiles n'importe quelle chaussure pour aider ta mère à décharger. Bah, on rentre un petit peu dedans et puis on se dit c'est bon. Ouais, sauf que c'est des crocs et on a mal aux pieds après. Kix. Quand tu arrives en retard en salle de réunion. Bah, on rentre un petit peu dedans et puis on se dit c'est bon. J'en ai une deuxième si tu veux, pour la rentabiliser. Quand tu essayes de faire un créneau entre deux voitures. Bah, on rentre un petit peu dedans et puis on se dit c'est bon. Ah, ça c'est drôle. Ah bon? C'est marrant que les deux personnes qui trouvent ça drôle, c'est les deux qui n'ont pas le permis. Oui, mais c'est pas nous qui rentrons dans les voitures, hein, Maëva? Je rentre pas dans les voitures. Non, mais j'ai compris. Ici, c'est la guerre. Parlant de guerre, justement, ça intéresse bien le fallait nous le dire plus tôt de Maëva. Ça va parler de quoi? Des casinos de Las Vegas. Il y a quelque chose dedans qu'il n'y a pas. C'est quoi? J'allais dire un nom de quelqu'un qu'on connaît, mais qui travaille sur une radio concurrente, donc je vais pas le dire. Des porte-serviettes. Des lave-mains. Des trucs pour laver les mains. Enfin, des. Tu sais, genre les. Mais produits hygiéniques, quoi. Tu peux jouer. Des messages de prévention. Pour une fois, ils sont en avance sur nous. Ouais. Non, mais bah non, non, ça sent pas aux Américains, ça. Qu'est-ce qu'il s'y aurait pas là-bas? On verra après. Bon, d'accord. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Noël. Ah, on a une très grande opération. On a oublié de vous en parler depuis le début de cette émission parce qu'on a tellement de choses à faire que là, ça déborde, on ne sait plus quoi faire. Mais il faut qu'on vous en parle deux minutes juste avant de continuer, s'il vous plaît. Maëva, est-ce que tu as tout pour qu'on en parle? Oui. Nous avons décidé de faire une grande opération pour les fêtes. On va vous gâter comme aucune autre radio n'ose le faire. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les merdes qu'on a trouvées dans les tiroirs de la radio. On a vraiment essayé de réunir un maximum de déchets pour vous les offrir en direct à la radio. On a appelé ça la hotte de Noël. Et dans cette hotte de Noël, qui n'a toujours pas été remportée, on continue à accumuler les cadeaux à l'intérieur. En ce moment, dans la hotte, Maëva, il y a... Alors, on avait d'abord la capsule de bière pillée, non pas en deux, mais en quatre. On avait la vareuse de sport de 10 ans d'âge qui n'était pas lavée, bien sûr. Le porte-manteau sans crochet, le demi-cure-dent pas pointu, les aiguilles d'une horloge, la paire, hein, y avait les deux. Hein. L'horloge Oliver griffée, c'est toujours aussi dur à dire en Oliver, griffée d'une Renault Kangoo. Une boîte de Ferrero Rocher, bon, au début, il y en avait, mais cette semaine, elle est vide. Elle est complètement vide. Ouais. Il y en a plus. On avait faim aussi. Il y avait aussi un roman photo sur les barrages hydrauliques. Mais les pages sont un petit peu collées par l'humidité. Mais un très beau cadeau quand même. Un super ouvrage. Il y avait aussi un ongle retrouvé dans le métro. Sur la ligne 2, je pense. Oui, c'est ça. On a toujours pas trouvé la personne, non? Non. Ok. Bah, du coup, elle est toujours dans la hotte. Il y avait aussi. Ça, on avait dû le donner à Kix. C'était la vaisselle jetable McDo. Il se l'était pris. Ah, oui. Ouais, t'as pris la bonnette nostalgie. Ah oui, ouais, c'est moi, vrai. J'avais pris la bonnette, ouais, j'avais pris la bonnette de micro-mésostalgie, donc ça on l'a enlevé. Mais on a laissé, et ça c'était quand même un beau cadeau, la serviette de chez Master Fritz. Ah oui. Mais attention que le gras commence à la rendre transparente. Mais elle est complètement Moi j'allais dire que depuis la semaine dernière elle n'avait pas trop bougé. Elle se maintient. Elle se maintient. Donc là c'est tous les cadeaux qu'il y a dans la haute. Il y a déjà ensemble. Tout ça dans la haute. On va rajouter s'il vous plaît. On est grand prince. On rajoute un cadeau maintenant dans la haute, Maëva. Un vélo Lego de taille humaine avec des roues carrées. C'est magnifique pour faire des balades très courtes, mais c'est magnifique pour faire des balades. Ouais. Un vélo de la marque Lego avec des roues carrées, c'est quelque chose qui ne s'est encore jamais fait, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un cadeau qu'on a décidé de vous offrir. Grâce à l'émission, vous allez repartir vernis avec plein de cadeaux sous le sapin. On dit qui ? On dit merci quoi ? Père Noël. Bah oui, c'est, non, et surtout, comment on fait pour s'inscrire ? Ah oui, bah tout simplement, il faut envoyer un message sur l'Instagram de Jajadoul. Vous envoyez HOT, mais cette fois-ci, c'est H-O-2-T-E. Oui, oui, ils l'ont modifié, ils n'assumaient pas le 1-T. Ouais. H-O-2-T-E, ils ont rajouté le T. Vous envoyez ça en message privé à Jajadoul et peut-être que vous repartirez avec l'ensemble de ces belles mères. Donc, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, parce que l'idée, c'est de vous gâter. On est à quelques jours de Noël. HOT, par message Insta à Jajadoul. Il est temps de faire le Fallait nous le dire plus tôt. Oui. Maëva, je pense que le sujet, je l'ai pas sous la main, le sujet c'était... Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les casinos de Las Vegas ? Voilà, il y aura des frites, Eliane. Alors t'avais déjà un début de réponse vraiment pas mal. Il n'y a pas de fenêtre. Oui. Ça c'est un truc, c'est une technique qu'ils ont pour ne pas donner la notion du temps. Sais. J'ai la réponse, je pense que j'ai la réponse. Dis-moi. Une horloge. C'est ça. Des horloges, voilà. Parce que le but, comme tu dis, est d'enlever la notion du temps pour tenter de garder les joueurs dans le casino le plus longtemps possible. Et en gros, tu joues, tu vois pas l'heure qu'il est et tu dois pas savoir s'il fait sombre ou clair dehors. C'est aussi pour ça qu'il y a pas de fenêtre. Et comme ça, tu te limites pas niveau temps. Comme dans les magasins, du coup. Donc voilà. Et pour aller encore plus loin, dans certains casinos. Donc ça, c'est dans tous ceux de Las Vegas. Les horloges, c'est dans aucun. Mais il y a beaucoup de casinos à travers le monde où ils appliquent ça et qu'il y a pas d'horloge. Les fenêtres, s'il y en a quand même. Enfin, moi, je connais des casinos où il y en a. Mais il y a aussi un truc où On fait des casinos la grande. Bah, excuse-nous, hein. C'est pas vrai. On en a fait deux. Et en avait un des deux, il y avait des fenêtres. Et dites-vous qu'elle se fait plaisir parce qu'après le casino, elle reçoit. Elle a des bonnes grosses burnes. Non, hein. Mais il y a des casinos à Las Vegas, ils vont encore plus loin que ça. C'est qu'ils ajoutent de l'oxygène dans leur climatiseur. Oh wow. Pour rendre euphorique. Mais non, pour maintenir le cerveau bien éveillé. Ça empêche de se. Enfin, ça donne l'impression qu'on est plus en forme, etc. Wow. Comme ça, le joueur, il reste, il est jamais fatigué. Et, énorme. Comme ça, vous savez tout. Et on est donc pas... attention, si vous allez dans un casino à Las Vegas, ils feront tout pour vous retenir. Bah ouais, c'est le but. Jusqu'à ce que tu claques tout ton pognon. Voilà. Oui, c'est le but. C'était un petit peu court vu que je l'ai cramé. Oui, bah oui. Est-ce qu'on peut en avoir un deuxième ? J'en avais un deuxième dans ma poche. Bah, tu l'as cramé, mais sans vraiment le cramer. Mais il y a une chanson, je crois qu'on l'a dans la boîte. Tu sais me la passer ? Non, je peux te la mettre. Mets-la-moi. Oula. Putre ! Bon, Antoine, je te propose qu'on les laisse. Je t'interdis de découper ce son. Bah, si ça c'est une belle mort, hein. Ouais. Et j'ai rien à dire, franchement. Eh bien, merci Maëva et continue comme ça. Jadoul. Qu'est-ce que je te mets ? On est tous témoins, tous les auditeurs sont témoins. Si tu découpes ce son pour me le repasser, je pique une crise. Je quitte l'émission. Il coupe le micro de Maëva. J'ai coupé mon micro. Non. On va oublier ce moment. Bah, tout est enregistré. Et nous, on l'a bien entendu. En ça a été diffusé dans tout Bruxelles. Hein. Je parlais de la musique. Mm-hmm. Everybody Hurts. Everybody Hurts. Voilà. De REM. Et elles ont un effet sur les vaches, lequel c'est... Ok. Si tu passes cette musique sur. Il y a une étude qui a été faite. Si tu passes cette musique à des vaches. Ça va avoir un effet sur eux, sur elles, pardon. Ce sera quoi ? Elles produisent plus de lait ? Oui, mais vous êtes fort aujourd'hui. Wow. Voilà, c'est des chercheurs d'une université britannique de Leicester qui ont découvert que les vaches produisent plus de lait si on leur passe cette musique de REM. Et aussi, ça marche avec du Beethoven. Ah oui, ça j'avais vu ça. Voilà. Jadoul, t'as le piquet. J'ai jamais compris comment un chien pouvait faire de la musique classique. J'ai l'impression que nous assistons à un moment tragique. Ah, tu produis plus de lait. des images qui me viennent en tête. Kix a une énorme montée de lait. Grâce à la musique de Beethoven. Ouais, ça va. Non, arrête toutes ces conneries. Kix ce studio. Il y a Antoine qui s'est barré là. Bon, c'est plus possible. Et franchement, il y avait des musiques plus sympas de Beethoven. Là, c'est pas cool de nous avoir mis ça. On en a pas une autre de Beethoven sous la main. Ouf. C'est Beethoven, ça ? Ouais. Tous nos collaborateurs sont actuellement occupés. Merci de contacter l'Élysée. C'est l'Élysée ici. Non, l'Élysée, c'est pas celle-là. Le temps d'attente est actuellement estimé à 25 minutes. Merci de votre patience. On pourrait le faire très longtemps comme ça. Merci de nous avoir choisi. Jadoul, dès 20h sur KIF. Vous avez compris l'ambiance de l'émission, hein. Il y a de quoi s'amuser. Tout le monde est là. Autour de la table, il y a Kix. Oui. Il y a Maëva. Oui. Oh, voilà. En délai depuis Tokyo. Et on a Antoine. Oui, bonsoir, effectivement. Avec un délai de Manhattan. Voilà. Waouh. Allô, SOS détresse. Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire ? Allô ? Allô ? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Allô ? Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Waouh ! J'ai trop envie de le voir maintenant à cause de toi. Il n'y a plus de limite. Je l'ai regardé dimanche. Ah oui ? Ah, c'était très cool. Faut que je le regarde aussi bientôt. Ah, ça va repasser à la télé. Et comme je me dis que je le regarde chaque année, et que ça me fait chier de le chercher en piraté, je l'ai acheté. Waouh, t'as passé le pas. C'est une grande action qu'on ne fait plus assez de nos jours. Ouais, c'est vrai. Il faut acheter un film. C'est toi qui achètes le film cette année ? Oui, c'est moi. Le seul qui achète encore les films. Bah moi j'ai le DVD. Et puis le lendemain, je l'ai vu qu'il était sur Netflix, mais sur le Netflix France, donc j'ai eu peur, mais finalement ça va. Et si ça t'intéresse, il est aussi en pièce de théâtre, mais bon voilà. Oui, oui, oui, et il surjoue à Bruxelles là, en ce moment. Ah, c'est vrai ? Ah oui ? Oui. Ah non, je confonds avec le dîner de con. Ouais, mais c'est pas avec les vrais acteurs. On est deux toujours. Hein, ouais, moi aussi, c'est fou ça. C'est pas avec les vraies personnalités. Bon, vous avez compris l'ambiance ici ? Oui. Il est temps de faire notre grande hôte de Noël. On a jusqu'ici, dans cette hôte, plein de beaux cadeaux qui vont finir sous votre sapin. Si vous vous inscrivez en envoyant hôte par message privé Insta à Jajadoul. Il y a en ce moment dans la hôte, Maëva. Une capsule de bière pliée, une vareuse de sport, un porte-manteau, un demi-cure-dent, des aiguilles d'une horloge, l'enjoliveur griffé, la boîte de Ferrero Rocher vide. Roger. Un roman photo sur les barrages hydrauliques, un ongle, un vélo Lego, une serviette. Voilà, une serviette. Et c'est tout. Ouais, c'est tout, mais c'est déjà bien. C'est déjà énorme en vrai. Oui, et le vélo Lego et la serviette, c'est bien ça. Ouais. Et Roger. Ouais, ouais. Et Roger, ce fameux Roger. Non, les Ferrero Roger. La nouvelle gamme de Ferrero, je ne sais pas, franchement. Je vous propose qu'on appelle tout de suite, on fait sonner un téléphone quelque part en Belgique, quelqu'un qui s'est inscrit en envoyant hot par message Insta privé à Jajadoul, c'est-à-dire mon compte Instagram, hein, par la même occasion on se follow, ça fait plaisir. Allez, faut que ça décroche. Sinon, on va continuer à remplir la hotte jusqu'à la fin de l'émission. En tout cas, ça sonne déjà. Et quoi qu'il arrive, on appellera jusqu'à ce qu'elle soit décrochée, cette hotte, parce que la semaine prochaine, c'est plus en mode Noël. Ouais. Donc, il faut que ça parte. Vous êtes sur la messagerie vocale 2-3-2. Non, bon, bah, d'accord. Ok, super. Voilà, bon, bah, merci à tous. Ce n'est pas remporté pour le moment. Oh. On va devoir rajouter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter d'encore plus fou que ce qu'on a déjà mis ? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Enfin, on a déjà de l'inédit là, mais mieux. Enfin, je sais pas. Allez, on rajoute un truc. C'est vrai maintenant tout de suite ? On rajoute un truc. Ah, c'est. Je suis foufou. Alors, attends. Là, si je regarde dans le fond de la hotte, j'ai. Bah. Mettre le feu ? Ouais. Qu'est-ce que vous foutez là ? Bah, il y avait plus de place chez moi, j'ai dû me trouver un autre endroit pour dormir. Oh, c'est une blague. Mais c'est nos cadeaux de Noël pour les auditeurs. Ah, oui, mais au moins il fait bien chaud ici. Ouais, mais non, non. Et c'est peut-être moi qui ai mangé tous les Ferrero. Ah, on a une explication. Moi, je le dis, mais. Vous voyez que c'était pas nous. Mais ça reste entre nous. Donc là. Vous gagnez mettre le feu ? Bah, il est dans la hotte. Il était coincé entre le porte-manteau et le vélo Lego. Quelque part, ça nous arrange, on en a marre de l'héberger. C'est un beau cadeau, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah, du coup, on rajoute mettre le feu. On rajoute mettre le feu à la hotte de Noël. Vous vous inscrivez maintenant en envoyant hotte, HOTTE, par message Instagram privé à Jajadoul. Donc, il s'appelle Roger le Feu. C'est des frères Roger. Et c'est mettre le feu, donc c'est Roger le Feu. Roger le Feu, t'es. Ah, c'est énorme ça. J'ai pas tout compris, mais. C'est pas grave. Christmas. C'est la trappe. Plop, plop, plop. Boulou, boulou, pique-nique, douille. Let's go. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Merci de nous avoir choisis. Pouf. Ça va très fort. Où est le curseur? Voilà, je l'ai. J'ai un discothèque ici. Ouais. On est les seuls mecs, c'est une boîte de nuit. Il y a un générique, c'est boîte de nuit. On peut pas faire plus fort. Merci de nous avoir choisis. On est en direct avec vous. 21h07. Avant de passer au hockey boomer, il y a quelques instants. Bravo! Mais non, enfin. On a parlé de la maman de Kix. Oui. Ça va, elle va bien? Elle va très très bien, elle nous écoute toujours. Elle c'est vrai? Elle oui. S'appelle comment ta maman? Christine. Bonjour Christine. Moi? Non, non. Et j'ai dit à Kiki, tu dis que ta mère est conne, mais il y a plus con que ta mère. Il y a celui-là qui est monté là-haut. On l'embrasse. On l'embrasse, oui. Et ça va, hein, c'est Noël. On a le droit de se faire plaisir, oh, franchement. Je vous propose d'ici quelques minutes qu'on passe au FaceTime de Kick spécial pour les fêtes. Oui. On ne va pas jouer avec des célébrités cette semaine, ah, on va jouer avec... Avec des films de Noël. Oh, okay. Ça va être encore très sympa. Avant ça, on va se connecter. On a le droit à un petit cadeau pour les fêtes. Bonsoir, quelqu'un m'entend? Oui. Oh. Oh. Tu l'as reconnu, Maëva? Mais écoute-moi. Dites-lui bonjour. Bonjour Maëva. Bonjour maman. C'est la maman de Maëva. C'est la maman de Maëva qui est en direct formidable. Avec nous. Vous allez bien? Ça va. Alors, on voulait vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Très sincèrement. Également. Et le meilleur, la santé. On le dit comme ça pour rire, mais c'est important. Oui, merci. Et alors, on voulait savoir quel est le petit surnom mignon que vous donnez à Maëva? C'est ce que j'avais demandé. Kitou. Kitou. Pitou. Pitou. Pitou. Avec un P. Oui. Oh, Pitou. Pitou, Pitou, Pitou. Oh, c'est mignon. C'est le domaine du privé. Bah, moi, Kiki. Oui, c'est vrai. Voilà, vous écoutez souvent l'émission? Tous les mercredis. Oh, bah voilà, elle est fidèle. Très fidèle. En plus. Tous les jeudis, en vrai. Et alors, la question qui tue, est-ce que vous m'aimez bien, un petit peu? Ben bien sûr. Ok, on passe à l'étape suivante. T'es pas très gentil avec ma fille. Ah, ah, ça règle ses comptes à l'antenne. Ah, j'ai toujours gentil avec elle, non? Un peu misogyne de temps en temps. Le retour de karma. Oh là là. Ah purée. Vas-y maman, dis-lui. Je te jure que je lui dis rien. Elle fait ses propres conclusions. Hein. Misogyne. Oh, c'est un peu violent ça pour les fêtes quand même. Il y a des bonnes grosses burdes. J'ai dit un peu. Un peu, hein, un peu. Donc maintenant je passe à l'étape suivante. Si je lui demande sa main, vous dites quoi? Oh, ça c'est son problème à elle, pas le mien. Okay. On a compris, on vous souhaite une belle soirée. Merci de nous écouter, à très vite. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée. Je vous embrasse, vous êtes adorables, gros bisous. Voilà, c'était la maman de Maëva avec nous. Et du coup, bah, je lui souhaite un bon anniversaire à l'avance parce que c'est dans deux trop jours. Trop tard, elle est partie. Non, il faut le rappeler, on lui a pas dit. Quoi? On lui a même pas souhaité bon anniversaire. Bah, elle écoute la radio. Bah oui, bah, vous voulez bien souhaiter un bon anniversaire à ma maman? Je suis misogyne, moi. Et rancunier, elle va rajouter. Je vous propose qu'on fasse le hockey boomer, Maëva. Cette semaine, on parle de quoi? De jeux vidéo sur Netflix. Ah, alors, c'est pas du tout nouveau. Alors, déjà, c'est ma séquence hockey boomer. Oui, alors, qu'est-ce que ça me passe? Ben, il manque un truc. Il te manque quoi? Qu'est-ce que tu veux que... Mais c'est hockey boomer. Ah, ah. Pas moi, je suis misogyne. Il s'en mettra pas. Oh, non, toute la soirée là-dessus. Alors peut-être que des gens le savaient déjà, ou alors vous êtes des gros boomers comme moi, mais il y a des jeux vidéo sur Netflix. Voilà, en plus des films et des séries, on peut aussi avoir des jeux. En fait, ça a commencé tout doucement avec, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les épisodes interactifs, notamment sur Black Mirror, le truc Bandersnatch là. Où c'était un épisode et tu choisissais pour avoir la suite. Ah, donc énorme, ça a commencé ça. Avec ça. Il y avait aussi un film vraiment cucu que j'avais adoré, L'amour au choix, et ça m'avait permis de choisir le fiancé de la meuf. J'avais dû refaire plusieurs fois pour être sûre de mon choix. Et donc du coup ils sont allés plus loin et ils sont allés dans les jeux vidéo. Donc c'est des petits jeux qu'ils proposent. Pourquoi sur Netflix, pourquoi aller sur Netflix? C'est parce qu'en fait c'est moins lourd que si on avait... Donc c'est sur smartphone, pardon, c'est sur smartphone, iPad, etc. Et donc si vous jouez sur Netflix, ce sera moins lourd que de télécharger les applications okay. de. Et puis il y a les propres jeux de Netflix. Et comment j'ai entendu parler de ça? C'est parce qu'il y a un nouveau, il y a des nouveaux jeux qu'ils ont mis. C'est les GTA, les jeux les plus, enfin les GTA, il y en a ouais. eu tout plein. Mais il y a le San Andreas, le Vice City et le 3 en gros. Et donc maintenant ils sont sur sur Netflix. Wow. Netflix en jeu vidéo. Et il parle aussi. Faudrait aller voir ça. Et il parle aussi de faire un jeu vidéo par rapport à Squid Game, la série qui avait fait énormément de succès. Ouais. Qui est encore en route d'ailleurs. Enfin, ils ont fait une autre sorte de Squid Game. Maintenant, c'est une espèce de télé-réalité, je sais pas trop quoi. C'est ça. Mais sinon, majoritairement, à part les 3 GTA et le Squid Game qui arrive, c'est majoritairement des mini-jeux un peu comme on retrouve sur les portables, etc. Le truc pour passer le temps, quoi. C'est pour passer le temps, voilà. Et c'est sympa. Donc, si vous êtes sur la tablette, le téléphone, vous vous ennuyez, vous n'avez plus de place sur votre appareil pour télécharger de nouvelles applications. Ben vous allez sur Netflix et vous pouvez jouer. Voilà. Parfait. De toute façon, Netflix, c'est pour passer le temps déjà de base. Mais ils acceptent les misogynes? Non, mais parce que je sais pas si je peux aller sur Netflix, moi. Attendez, je vais retrouver un vieux copain à moi. Je suis incontrôlable, je suis excessif. Très excessif. Et moi aussi, oui. Moi, les épisodes interactifs, ça me gave. De quoi? Moi, ça me gave les épisodes interactifs. Tout ce qui est interactif, ça me gave. Mais pourquoi? Moi, je veux que le divertissement soit le même pour tout le monde. Si j'ai pas accès au même divertissement que les autres, ouais, tu vas dire que je suis aigri en plus de te. C'est pas grave. Misogyne. C'est bon. Merci, bonsoir. C'est tout pour le hockey boomer. Oui. Ah, ben c'est très bien. Dans un instant, on va se retrouver avec le jeu de Kix, qui sera le FaceTime spécial. Noël, enfin, un film de Noël plutôt. Voilà, et on aura aussi plein d'autres surprises. Radio Famille qui sera là. Antoine qui va nous parler de... Sur la piste du Père Noël. Que de bonnes choses qui arrivent dans un instant. On va pouvoir le traquer comme DHL. Tout à fait. Oh là là, ça va être sympa. Bougez pas. Jadoul, dès 20h, ah oui, sur KIF. Ah ben bien sûr. Je propose que c'est Mère Noël qui lance ce jeu. Mère Noël, vous êtes avec nous? Oui. Non, attendez, c'est pas Mère Noël ça. Refaites-le, Mère Noël. Oui. Ah, oh là. Ah, okay, d'accord. Là, je suis un autre homme. Mère Noël, à quoi va-t-on jouer maintenant? Au FaceTime, celui de Kix. Ah ouais, et ça veut dire quoi, FaceTime? Eh bien, c'est le nom de son jeu. Il ne veut pas jouer avec moi? Ah ouais, si, je vais jouer avec toi. Merci, Mère Noël. On se retrouve bientôt. J'espère. Un petit bisou. Ah. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Le principe est très simple, vous allez jouer en 3 manches et tenter de deviner un film qui se cache derrière les 3 sons que Kix va vous jouer. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à appuyer sur votre buzzer. 3 manches, 3 sons, et le but, trouver un film. C'est simple comme tout, c'est spécial Noël, et c'est Kix qui est aux commandes. C'est bien ça. Oh là, non, moi je pensais que t'allais continuer une phrase. Non, c'est, okay, non, c'est fini. C'est le temps, okay, que ça revienne de Tokyo. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a un décalage, j'avais oublié. Je vous entends, Jadoul, puis-je parler? Oui, tout à fait, bien sûr. Parfait. Merci. Avec plaisir. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour cette première, je veux dire, personnalité? Bah, on va tester nos buzzers. Oh, bah, attends 2 secondes, Antoine. Maëva, vas-y. Oui. Okay. Bah. Et Jadoul. Parfait. Tout le monde est OK? Ouais. Ouais. Alors, premier indice. Adieu. Tu as déclenché le tonnerre. Maintenant, tiens-toi prête pour le boum. Jim Carrey? Jim Carrey, un nom de film. Un nom de film. Ah, pardon. Non, pas. Ah, là, on vient de faire un jingle. Elle me foire. Et tu sais que le pire, c'est que j'ai pas écouté ton jingle parce que j'étais trop en train de... Bah voilà. J'étais trop en train de me dire pourquoi il aimait pas le jingle de d'habitude. Mais c'est parce qu'en fait, t'as modifié ce que tu disais. Mais moi, j'écoutais pas ce que tu disais. J'essayais de réfléchir à pourquoi on n'avait pas le jingle de d'habitude. Et si t'écoutais, t'avais eu ta réponse. Mais oui. Pour plus de renseignements, appelez le 0. Bon. Du coup, je peux pas me remettre dans la game. Donc, c'était effectivement Jim Carrey. Ouais. Mais il faut trouver le film. Et il faut trouver le film. Là où je peux jouer. Ah, bah non, t'as utilisé ton buzzer, c'est fini. Mais pas vraiment. Si. C'est terminé. Oh là là. On y va. Et le FaceTime est terminé pour aujourd'hui. Allez, deuxième indice de ce film. Mais je sais. Ah, bah c'est con ça, Maëva. Hein. Mais je savais dès le premier que c'était ce film-là. Pourquoi tu as disparu? Oh là, c'est flippant. Mon univers change. Je me sens. Bon, c'est long là. Vas-y, suivant un autre. Personne. Mais personne n'est là. Mais non, je l'ai pas, moi. Mais enfin. Troisième indice alors. Joyeux. Dites-moi la réponse sur mon Instagram, Jadoul. Eh, pas de triche, Jadoul, pas de triche. Personne, ouais. Toujours personne. Ah non. Allez, un petit bonus. Ah non, Si, non, si. Je sais plus s'il y a la réponse dedans ou pas. Tant pis, je le teste, vas-y. Tu as l'audace de t'aventurer dans le repère du Grinch. Quelle impudence, quelle effronterie, quelle toupette culottée. Alors ? Ah, attention, je vois que... Oui, vas-y, vas-y. Mais le Grinch, du coup. Bah oui, bah, mais Jadoul, il n'a pas écouté. Rien. Non, il n'écoutait pas, il était sur le téléphone. Il attend qu'on lui balance ses réponses. On m'avait dit. Allez, moins un pour Jadoul, oh plus un pour Antoine. Mais, oh, on est d'accord, on peut faire voilà. Ça, vas-y. Oh là là. Antoine a point. Le temps des cadeaux. Noël. Chante Maëva. Noël. Solo, Maëva. Noël. C'est catastrophique. Allez, deuxième film. Deuxième film, on y va. Premier indice. Le Pôle Express. Le Pôle Express est une très bonne réponse. C'est mon film de Noël préféré. Ah, c'est dans formidable. Le train quand il donne les chocolats chauds. C'est ça. Wow. Et si tu veux, je mets les autres indices. Oui. J'attendais un son. Un son que je pensais ne jamais entendre. Oh yeah. Celui du gros lot. Ah, le gros lot. Voilà, donc c'était le train aussi. Super. Il y a les gros lots, le train. Et le troisième indice. Alors, tu viens? Et c'est le Pôle Express. Mais enfin, au Pôle Nord, bien sûr. Voilà, enfin bref. Vous avez compris. C'est génial comme film. Bon, vous l'avez jamais vu? Si, ça pue la merde un peu. Allez, donc ça fait un point pour Maëva, un point pour Antoine. Tu as bien arrêté d'être méchant, toi, là-bas. Je suis pas méchant. Et moins un pour Jadoul. Allez. Troisième film, premier indice. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Non, non, où est mon message? Oui. J'ai perdu une ordure. Non. Mais j'ai vu, c'est en premier. C'est pas la réponse de Maëva. Ah, elle a levé la main. Première. Sur nos 10 ans d'amitié. Je me suis levé là, je me suis levé de ma chaise. Si tu accordes le point à Maëva, en je quitte ce studio. Est-ce que je peux signer? Attends. Je suis prêt à quitter le studio. On va faire un truc. Est-ce que je peux signer encore un an? Enfin non, est-ce que je peux signer encore? Est-ce que tu veux continuer l'émission avec nous? Oui. Non mais à vie hein. Ah non, ça je peux pas te garantir. Ok Maëva, un point. Non mais moi je... Deux points pour Maëva. Allez hein. Voilà, Maëva a gagné. J'ai buzzé en première. Vous savez quoi? Moi je m'en veux. Je me casse, faites l'émission sans moi. D'accord. Bon, Jadoul n'est plus là. Personnellement, j'avais même pas buzzé parce que je me doutais bien qu'il allait y avoir une. Il avait qu'à être attentif peut-être sur sa traînée là comme bon, ça. Sur le temps que Jadoul n'est pas là, est-ce que vous voulez faire encore une partie? Oui. Oh, bah, allez, bon, tiens, allez une quatrième partie. Premier indice du quatrième film. Et voici Monsieur Ebenezer Scrooge. Maëva, mais la réponse est dedans. Attends, il faut prendre ton buzzer. Maëva. Oui, Maëva. Le Noël de Monsieur Scrooge? Ou l'étrange Noël de Monsieur Scrooge? Eh non, c'est une mauvaise réponse. C'est justement, c'était fait exprès, tu vois. J'ai joué un petit peu, je me suis dit, vas-y. Non, si c'est ce que je pense, bah, franchement, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que Attention. La magie est dans l'air. C'est le Noël des Muppets! Eh oui, c'était le Noël des Muppets. Bon, bah, du coup, c'est quand même, ça reste une victoire de Maëva, bien joué. Et nous, on peut plus rien faire. Y a pas mais un petit si, peu mais la musique de gagner. Ah, mince, c'est ça. Va au tout début, il a la musique de quand on gagne. Non, la première page. Attends, non, mais ça en vrai. Mais non, il met que des jingles en fait. Mais la première page, toi, voilà, tu vois. Voilà. Et là, il y a gagnant ou. Ouah. Non, il met rien. En attendant, on va mettre. Même toi. Il y a plein de boutons, je joue avec tous les boutons. Voilà, Jadoul qui revient. Je reviens, c'est un désastre. Vous allez écouter aux toilettes. Là, il faut vraiment qu'on remette l'église au milieu du village, la musique gagne en haut. Oh yeah! Oh yeah! Je l'ai quand même vachement bien faite. A cappella, je l'ai super bien faite. Vous aviez reconnu, Antoine, t'avais reconnu. Franchement, oui, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse! Javel, Père Noël est une ordure. Franchement, en plus de ça, je suis muet, Jogine. Allez, on y va, allez, c'est bon. Bravo, Maëva. On oublie tout. Les 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ça a foutu une bonne ambiance, ton jeu. Vraiment, merci pour ce chouette moment. Hein. Venez vous changer les idées, on s'amuse c'était là. C'était génial, Kix. Ah, c'est génial, c'est super. suave, oui, et envoûtant. Ouais. Profitez-en. C'est Maëva, ça. Parce que Jadoul est de retour. Et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh. Dès 20h, c'est la trappe. Bienvenue, on est avec vous pour vous accompagner et vous apporter de la bonne humeur. On est aux portes des fêtes, là. Dans quelques jours, c'est Noël. C'est Noël, le temps des cadeaux. Voilà, voilà. Oh, tu nous fais bien la cloche. C'est joli. Allez, on va faire les inflops. Le principe est très simple. On prend les infos qu'il fallait louper dans l'actualité. Tous des trucs qu'on aime bien, quoi. Y a des fans du rappeur Jules? Il y a un rappeur qui s'appelle Jules. Mais Jules. Ah, bon. Oh, merci madame. Oh, yeah. Allez. Ils sont précipités pour acheter des tickets de spectacle de Noël en Suède intitulé Jules och Kul. Pensant que Jules désignait le rappeur marseillais, eh bien non. Jules était simplement la signification du mot Noël, Noël en suédois. Ben oui, voilà, mais toi tu savais ça, Antoine. Je savais. Oh, mais il est tellement cultivé. Mais il passe sa vie chez Ikea. Il est culturé. Il passe sa vie chez Ikea. Alors arrivés sur les lieux, ils ont très vite déchanté. Évidemment, ils se sont tapés le trajet jusqu'en Suède et puis ils ont vu que Jules n'était pas là, mais c'était un sapin. Je vous laisse imaginer la tête du responsable du spectacle face à un fan de Jules en jogging olympique de Marseille, en claquette chaussette, lui faisant le signe Jules. Sa seule réaction a été: je l'ai pas. Oh putain. Je trouve pas. Y a pas bon son. Kix. Ah voilà, je l'ai, ouais, c'est ça, bon. Vas-y. Ouais. Oh là là. Oh, quelle réactivité, voilà. Mais c'est incroyable. Mais, oui, mais c'est le ping jusqu'à Tokyo, on l'a dit. Kix, non mais je prépare d'autres choses en même temps. Non mais comme tu es à distance depuis Tokyo, oui, on va faire une règle simple. N'y touche pas, ni demain, ni jamais. Oui, je t'écoute, Jadoul. Donc vu que je suis en distance depuis Tokyo, oui. Ah oui, d'accord, ok. Ok, j'y touche pas. Le décalage est présent, évidemment. Deuxième info. T'as tous les sons pour la suite ou je comptais sur ma gueule et à moi tout seul? Bah en vrai j'aurais préféré que tu comptes sur ta tête, mais okay, je prends ça sous les yeux. Non mais c'est bon, t'inquiète pas. Voilà. Allez, ne t'inquiète pas. Et du coup lui il garde la machine, moi j'ai toujours pas de machine. On va switcher. En janvier on inverse les places. C'est vrai? Tu prends la machine, oui, et toi tu vas là. Voilà, je suis prêt, c'est bon, tout est fait. Le 30 novembre 2023, c'est la deuxième info de nos inflops. Une famille originaire du Kentucky, yeah, aux États-Unis a eu la surprise de découvrir qu'un petit hibou se cachait au cœur de leur sapin de Noël. Alors l'oiseau avait discrètement élu domicile parmi les branches, entre les décorations et les petites épines, pendant 4 jours sans attirer l'attention. Le hibou était dans le sapin de Noël. Finalement, il était capturé et relâché dans son habitat naturel. L'hibou a probablement dû se dire: bon bah, la vie ne fait pas de cadeaux, alors je vais m'incruster chez les gens pour leur voler les leurs. D'accord, j'aurai peut-être plus de chance. J'ai compris la phrase. Bravo, ouais. Bravo, merci beaucoup. La vie ne fait pas de cadeaux. Ah, Kix. Allez, troisième et dernière info. Laborieuse cette séquence. Aux États-Unis, plus précisément au Tennessee, on reste dans les États-Unis, le Tennessee, yeah, il est 4h. Un bébé de 4 mois a miraculeusement survécu à une tornade. Il a été soulevé de son couffin et emporté par les vents, alors que la tornade arrachait le toit de leur mobilhome. Il sera finalement retrouvé en plein milieu d'un arbre, de bonne santé, hein, la vie en bonne santé, tout va bien. Une cagnotte a dès lors été lancée pour aider la famille, recueillant plus de 100 000 $. Oh, on pourrait avoir pareil, tiens, ici pour le studio. Ah, ce serait bien. Oh, ce serait pas mal, ça. C'était une chouette info. Ouais. Bon, en attendant, j'imagine que je dois aller. Non, mais j'ai appuyé, t'étais moi, j'ai appuyé. Moi, je veux bien, hein, mais. Je veux juste que. Alors on va tout vous dire, Kix est responsable de cette séquence depuis quelques mois et donc c'est nouveau pour lui, hein, voilà. Est-ce qu'on peut lire la blague, la non, chute? Non, je t'ai prévenu il y a 5 heures. Vas-y. Alors Maëva va nous lire, tel que moi j'ai reçu la feuille, la chute de cette information c'est... Attends, juste point d'interrogation? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'était pas écrite. Non, mais j'avais prévenu. La chute n'était pas écrite. Bah oui, mais je peux pas. C'est encore un travail. Je peux pas tout faire. Hein. Quand c'est moi qui fais les inflops, eh ben c'est bien écrit. Mais j'avais prévenu, il y a ça quand j'ai dit. Il manque jamais rien. J'ai pas la chute. J'ai dit, j'ai pas la chute et je dois faire autre chose. Et on peut ramener un peu de bonne ambiance ici. Ah, bah bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est qui? C'est le Père Noël. J'ai dressé le parfait tableau, déchiré le papier cadeau, je sais que c'est pas beau. Dans un instant, on va voir nos amis de Radio Falminou, les deux professionnels qui, eux, font les séquences jusqu'au bout. Je t'emmerde. Je ne vise personne dans cette équipe. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. De toute façon, Ekfeu est d'accord avec moi pour dire que X est un... tricheur. Merci. Demain, je change de vue. On t'entend tousser à l'antenne, mais foutez-lui une grosse claque dans le dos. Oh là là! Je suis en train de mourir et tout le monde s'en fout! Oui, bah oui, évidemment! On s'en fout pas, on te filme! Attends, meurs un peu, c'est pour les réseaux sociaux! Merci! On fera des vues! Oh là là! Bon, c'est fini là? On a... On peut avoir un peu de sérieux? Bah, elle boit! Aïe aïe aïe, elle boit et elle crache en elle plus! Elle boit, elle crache! Ah oh, bah, quelle belle image qu'on a! Maëva, t'es ok? Non! Super, merci. Je pense qu'on l'a perdu au fond du puits. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Maëva qui s'étouffe a repris ses esprits peut-être. Ouais. Ah, c'est le plus beau que tu m'as fait. Parce que c'est con parce qu'on a besoin de toi là maintenant. Mais oui, je sais parce que il est 21h40. Attends, là. attends, oh, on va okay, y mettre les formes. Oh. Il est 21h40, l'heure de donner l'antenne à Radio Falminioul. C'est tout? Bah, des petits vieux quoi. Ok, je pense que le jingle va mieux faire le taf. Oh là là. Mais tu m'as pas dit. Ah bah ouais, bah. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fêté Noël. Oh mon Guy, aujourd'hui c'est un grand jour. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu prends enfin ta retraite? Mais non Guy, regarde bien, ça se trouve sur moi. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Tu t'as arraché les poils du nez qui dépassaient. Non, enfin oui, en effet, je me suis épilé le nez, mais ce n'est pas ça. Tes yeux doivent se poser sur quelque chose qui se porte sur la partie haute du corps. Et c'est en laine. Je le vois vraiment pas, René, hein. Dis-moi. Guy, c'est un vêtement. Oh, je suis tout perturbé, je sais plus où regarder. J'ai même oublié ta question. Tu ne remarques même pas que j'ai mis un magnifique moche pull de Noël. Regarde-moi ce gros Père Noël dessus. Ben oui, René. Et je dois dire quoi? Quel débile. Oh, cela dit, je vois que toi aussi, tu t'es mis dans le thème. Il est bien aussi ton laid pull de Noël, Guy. Vraiment bien laid, bien kitsch, bravo. C'est pas un pull de Noël, c'est ma femme qui me l'a tricoté. Oh, pardon, je me disais aussi qu'il n'était pas tout à fait symétrique dans les épaules. Ah, ça c'est encore le strabisme de ta femme, ça lui jouera toujours des tours. Tout comme ce bonnet là qu'elle m'a forcé à mettre. Elle dit que c'est pour me protéger de la neige. Mais y'en a pas. Oh, je sais pas où elle voit la neige par 10 degrés dehors, hein. Guy, je pense comprendre d'où provient cette neige. Retire ton bonnet. Oh, l'avalanche! Oui, oui, oui, oui, oui. Il y a de la neige plein le studio. Enfin, de la neige. Elle est sympa d'appeler ça de la neige, ta femme, car moi, j'appelle ça des peaux mortes. Au moins, moi, je fais de la neige qui ne fond pas. Oh, je réalise. On se verra pas le jour de Noël. René, on déballe nos cadeaux. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, René, dis oui. Mais bien sûr. Oh, tiens, c'est offert de bon cœur. Voilà mon paquet. Enfin, ton paquet, pour toi. Que c'est moi que je t'offre. Je sais pas si c'était très clair, hein. Mais en tout cas, tiens, ton cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est un micro symbolique en porcelaine. Attention, c'est très très fragile, hein. Ça m'a coûté une fortune. Je l'ai fait faire rien que pour toi, René. C'est pour célébrer nos 50 ans de radio et tous nos moments passés ensemble. À deux. Car oui, en dehors d'être mon acolyte à l'antenne... Oh, c'est peut-être un micro anglais. One, two. Vraiment beaucoup. C'est gentil, merci pour le cadeau, mais tu pourrais tout de même m'offrir un truc qui fonctionne. J'espère vraiment qu'on va pouvoir... Oh non! Je l'ai cassé! Mon cadeau! Ah, il n'a pas aimé d'être serré sur le pied de micro, celui-ci. À toi, tiens, Guy. Tu verras, ça tombe pile au bon moment. Bon, du gros sel? Bah oui, pour ton cuir chevelu desséché. Oh, oh bah ça c'est drôle, hein. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Mignon, très très beau. C'est mignon, ouais. Mignon cette semaine, franchement sympa. Dansez autour du verre sapin en se frappant dans les mains. J'allais dire en fin d'émission, mais non, puisqu'on fait une heure de plus cette semaine. Il y a deux blanklets. Oh. Il y en a un premier là dans un quart d'heure. Mmh. Et juste dans une heure après, sur les coups de 23h, on fera un deuxième blanket spécial. Wow. Noël. Oh, ça, je vais perdre deux fois. Et pour l'occasion, pour cette grande fête de Noël, on a fait venir nos deux huissiers de justice, Maître Ispa et Maître Le Feu. Ah, oh, magnifique. Ils vont chacun arbitrer un blanket et ça va être très sympa. Tout ça, ça se passe dans un instant. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de l'écran qui s'est trop vite approché de lui, sans jouer le son que Jadoul tentait de diffuser. Jadoul, dès 20h, sur Gaïef. On a des belles surprises pour vous, car c'est les fêtes. Noël est dans maintenant 3 jours. Le réveillon va être fabuleux pour celui ou celle qui va remporter toutes les belles merdes qu'on a accumulées dans la hotte de Noël. C'est vraiment le grand jeu que toutes les radios nous envient, puisque on a fait les tiroirs, on a fait les poubelles, on a fait tous les endroits. Tout le bâtiment. Mais les boîtes d'objets perdus, là. Oui. Et pas que. Vous savez aussi ce long bol qu'on a à l'entrée, là. Oui, oui, oui. Dans toutes les maisons, avec un bouton, une pile. Ouais, le fourre-tout, quoi. Oui, c'est ça, mais... Là-dedans, c'est une mine d'or pour vous offrir des cadeaux, pour vous redonner le sourire et essayer de vraiment vous rendre heureux pour les fêtes. Faisons le bilan de ce qu'il y a dans la hotte en ce moment, Maëva. Alors, une capsule de bière, une vareuse de sport, un porte-manteau, un demi-cure-dent, les aiguilles d'une horloge, l'enjoliveur griffé, la boîte de Ferrero Rocher vide, le roman photo sur les barrages hydrauliques, un ongle, le vélo Lego, la serviette Master Frites et c'est tout. Ah non, si on avait Maître Le Feu qu'on avait retrouvé. Oui. C'est vrai que je vous oublie facilement. Bah, on m'oublie tout le temps. Ok. On rajoute quelque chose? Oui. Allez, on rajoute un truc. C'est vrai? Oui. Je peux? Oui. Attends, qu'est-ce que je trouve? Ah, une touche F7 d'un clavier. Wow! Elle ne sert pas souvent. Oh là là. Et franchement, elle est collector et on vous fait plaisir. Une touche F7, vous ne rêvez pas. Antoine rit, mais c'est parce qu'il s'est nerveux. Il est vraiment impressionné par le jeu. Moi, j'ai eu un truc McDo, Maëva, elle a eu une bonnette nostalgie. Lui, il voulait la touche, mais évidemment, il l'aura pas. C'est comme ça. Bah oui, il faut les laisser. Vous avez eu un truc et pas lui. D'accord. Mais c'est vrai. Ouais, mais il faut laisser un petit peu quand même. Hein. Comme ça, je pourrais dire j'ai une touche. Ouais, ça va. Allez, ça va faire plaisir à... En parlant d'Antoine. Bonsoir. J'ai juste oublié de vous dire comment on s'inscrit. On retourne dans l'ambiance. Pour s'inscrire et pour... Attendez, on revient. Pour remporter ces magnifiques cadeaux de la hotte de Noël, il suffit simplement de s'inscrire par message privé sur Instagram, Kix. Oui, à Jajadoul, vous envoyez hotte, H-O-2-T-E. C'est très simple. Il est temps maintenant de faire la séquence d'Antoine. Rebonsoir. Antoine. On va parler de Sur la piste du Père Noël. C'est le nom du truc? C'est le nom du truc en français. Alors en version originale, ça s'appelle Santa Tracker. Non, ce n'est pas un site pour pister l'épouse de Jadoul n'importe où, n'importe quand. Santa Tracker. Donc ça fait 19 ans que Google l'a lancé. C'était le premier. Attendez, j'explique parce qu'il n'y a personne qui a la ref. Santa, la chanteuse. Ok, popcorn salé. Oh là là. Voilà. Mais j'adore cette musique aussi. Je suis fan, moi. On l'écoute. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Donc ça s'appelle Santa Tracker. Ça s'appelle Santa Tracker. Ça a donc été lancé le 1er décembre 2004 par Google et ça s'active tous les 24 décembre en allant sur santatracker.google.com. Vous pouvez voir le trajet et la localisation précise du Père Noël minute après minute. Et puis vous avez aussi toute une série de jeux et d'activités autour de Noël accessibles gratuitement sur cette adresse. Alors, est-ce que vous savez d'où ça vient cette idée de traquer de DHL? Ça pourrait venir de DHL? Pas du tout. Bon, pas aucune idée, Maëva? Non, cude, mais je trouve ça génial. Je vais aller voir avec mon petit frère, le 24. Eh bien, c'est une origine militaire. J'ai cru mexicaine, je me suis dit ça. Non, c'est américain, c'est militaire. Dans les années 50, en fait, il y avait un magasin qui avait créé une pub de hotline pour les enfants pour qu'ils puissent appeler le Père Noël. Sauf que, à l'impression, ils sont trompés de chiffres dans la publicité. Ah, c'est énorme. Et donc, en fait, il y a eu un raz-de-marée d'appels vers le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Voilà. Alors, selon certaines versions de l'histoire, bon, on va dire qu'ils n'étaient pas tout à fait contents au début de ce raz-de-marée, et puis ils se sont rendus compte que c'était en fait le moyen de faire un peu de la com auprès du public, auprès de leur action dans les airs. Et donc, ils ont commencé à dire, vous savez, l'armée surveille et protège le Père Noël dans ses déplacements, il va tout faire pour qu'il puisse distribuer tous ses cadeaux. Ça donne un peu de tendresse dans un truc un peu rigide. Voilà, c'était le moyen un peu d'adoucir leurs actions, et c'est de là que ça vient. Et donc Google s'est basé sur cette histoire pour lancer ce site santatracker.google.com. Il est déjà accessible maintenant, mais évidemment vous ne pourrez voir le trajet du Père Noël que dès le 24 décembre. Oui. Mais du coup on le voit avancer super vite. Ah, ça avance super vite. Moi, je l'ai fait quelques fois, quelques années. Alors, en plus, pendant la pandémie, il était vêtu d'un masque. En ah plus, oui, ils ont fait le truc jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'il avance très très vite. Hein. L'ubérisation du Père Noël. On risque de le voir en vrai, du coup, le soir. Ah, il faut pas. Imaginez sur le fait de tomber du toit et tout. Non, c'est trop dangereux. Ah, le mec qui le traque. Non, mais c'est comme les arcs-en-ciel. Tu penses être à côté, mais tu ne peux pas l'atteindre. Merci pour cette info toute douce, Antoine. Avec plaisir. Dans quelques instants, le bar de Jean-Michel est surtout enfin un gagnant pour notre grande hôte de Noël. Qui remportera toutes les belles merdes qu'on a réunies dans cette hôte? Mais non, faut pas rire, arrête, c'est énorme cadeau. Un chanceux, vraiment. Vraiment, là, c'est vrai. On aura un heureux et on aura surtout des gens qui seront très jaloux de tous les beaux cadeaux que vous allez remporter. On va pas tous les citer, mais il y a des ongles, une boîte de Ferrero Rocher vide, un vélo à roues carrées. Les aiguilles d'une horloge. Laisse la touche. Non, on la laisse dans le. Non. La touche F7 vient d'être rajoutée. C'est un cadeau supplémentaire. C'est Noël avant l'heure. Inscrivez-vous maintenant. HOTTE par message privé. Insta, Jajadoul. Couché. Dès 20h. C'est Jadoul sur KIF. Petite pensée aux gens du podcast qui ont juste entendu couché. Et qui n'ont pas le contexte juste avant. Oh non. Ah. Bah oui, même à Noël. Oh non, là je peux pas. Là à chaud, je peux pas. T'as pas envie d'avoir Non, je peux pas. Je peux pas. Je préfère un petit peu me détendre si vous voulez bien. Pourquoi maman tu pleures? Oui. Essaye d'y aller un coup. Dans les yeux de mon père. Ah mais Jadoul il y va avec une dextérité. J'y vois parfois de la colère. Et surtout il connaît les paroles par cœur. Je ne veux pas être un fardeau. Je serais bien mieux là-haut. Oh c'est triste et tout là. D'accord. Allez on y va. Je vous propose qu'on ouvre le micro de notre ami. Oh là là, Jean-Michel, il y a toujours du bruit autour de lui. Oui, on vous entend. Notre grand ami est teneur d'un bistrot. Enfin, on dit pas teneur, on dit gérant d'un bistrot ou tavernier. Il nous donne des nouvelles et nous témoigne de tout ce qu'il a entendu au comptoir de son bar. Au tavernier. C'est pas mal ça. Et alors, on tente une imitation. Laurent Ruquier qui dit: oh, c'est un tavernier. Oh, c'est un tavernier. Bonjour Jean-Michel. Oh, on m'entend? Bonsoir. Oui, ignorez Laurent Ruquier, c'est pas grave. C'est au revoir. Oh, Laurent Ruquier, j'en suis fan. Il est pas là. Jean-Michel, il est pas là. Ah, il est pas là. Voilà, il est pas là. Vous êtes prêt pour les fêtes, Jean-Michel? Oh, mais moi, je suis toujours prêt quand il s'agit de fêtes. Hein. Et vu que cette semaine, je n'avais pas envie de travailler, je me suis dit qu'on pouvait aller s'amuser un petit peu. C'est pourquoi je me suis permis de vous préparer une petite surprise. Oui, une surprise. Une surprise, une exclusivité pour nous, rien que pour nous. Rien que pour vous. D'accord. On y va. La musique. Ah, musique, allez, c'est parti, on y va. Vous n'y allez pas, Jean-Michel. Il faut un moment, il faut y aller. Hein. Musique ou pas musique? Je fais. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Faites ce qu'il faut. Moi, allez, musique. Alors, c'est parti. On y va. Joyeux anniversaire. Allez, je me donne de sensation, un petit coup d'œil sur la machine. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe quoi dans ce studio? Non mais les gars, ça t'en dit qu'on a préparé plein de petites choses pour l'anniversaire de Jardoul. Oh là là. Qui était donc dans la semaine passée, mais... Non mais attendez. Non mais. On est. Et alors on a des ballons. On a un petit peu de... Bon, il faut les gonfler, je sais pas comment ça fonctionne. Oh non, vous allez crever si vous gonflez ça. Ça rugit. Ça rugit de Jardoul. Maëva est partie du... Mais qu'est-ce qui se passe dans ce studio? Oh là là. Mais moi je casse tout ici. Mais il se passe quoi dans ce studio? Et alors on a ramené la petite bouteille. Oh, une bouteille. La petite bouteille, c'est de Kennebul, monsieur. De Kennebul. Les gars, vous êtes juste au courant que mon anniversaire, c'était il y a 5 jours? Oui, mais on n'a pas le temps de fêter. Mais on est fait qu'à fond. Ça fait plaisir, merci beaucoup. C'était tout, Jean-Michel. Ça fait plaisir. Comment ça, c'était tout? Mais c'est fini, là. Déjà, écoutez la fin, écoutez. On écoute. Jadoul. Pour profiter là ce soir, hein. Jadoul. Vous avez comment eu ces sons là? Ah bah, on fait comme on peut, hein. Waouh. C'est drôle. Allez, c'était drôle, dites-le les patrons. Mais... Ah, alors c'est pas fini parce que bien sûr il y a la petite Britannique qui nous a laissé. Il y a la petite Britannique qui nous a laissé un petit message. C'est vrai? Bon anniversaire Jadoul, c'est Brittany. Alors, on m'a demandé de te faire une dédicace parce que, à ce qui paraît, tu es fan de moi. Il paraît, dans ton émission, c'est moi la star. Ça m'étonne même pas, en fait. Je suis trop faite pour briller. Par contre, il serait peut-être temps un peu de donner la moula. Parce que, je suis pas une michto, mais il faut quand même pas se faire de l'argent sur mon dos, en fait. Non, non. Allez, on se recontacte. Bisous. Et si t'es métisse, t'as les yeux bleus et t'es instagrammable, recontacte-moi vite en fait parce que je cherche un copain. Allez, bisous, bisous. Et cœur avec les doigts, Jérôme. Mais... Je m'appelle pas Jérôme. Voilà, et alors avant de passer à la fin. Avant de passer à la fin, monsieur. Avant de quoi? Avant de passer à la fin. On passe pas à la fin, c'est oui, quoi cette phrase? À la fin de la séquence, c'est je veux dire. Français. Oui, d'accord, on fait quoi? Eh ben, on a un super cadeau qui arrive. Un cadeau? Regardez ce qui arrive. Je regarde. Mais elle se barre. Mais revenez, madame. Cette séquence est interminable. Mais reviens. Mais elle s'en va. Anniversaire! Oh, elle ramène du feu dans le studio! Anniversaire! Joyeux anniversaire, Jadoul! Joyeux anniversaire! Allez, je souffle en direct à la radio. Ouais! Tout me fait cette attention à tes 55 ans! Oh, merci beaucoup! Et alors, évidemment, comme ce n'est pas fini, on a encore un dernier message pour tes Jadoul. Allez, un dernier! Tiche, c'est quoi cette histoire? Tu fêtes ton anniversaire et tu préviens pas tonton Claude? Moi je peux pas venir, hein, Tiche? Moi je suis la Bertrice ici, hein? On m'a mis des animateurs dans un cube pour le télévi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais même pas commander les frites! Quand est-ce qu'on va chez Fernand? Tiche! Oh merci, je l'embrasse! Bon, on l'appelle Claude à l'antenne, mais on va pas révéler son identité. Mais je l'embrasse très fort. C'est l'un de mes meilleurs amis et franchement, ça me touche beaucoup. Bon, c'est très artisanal, là, mais... Je sais pas comment... C'est une intelligence artificielle? Non, c'est lui. Non, c'est vraiment lui. C'est toute la vraie personne dans on connaît hein. Claude. Oh, merci. Et vous savez quoi? On va bouffer le gâteau hors antenne. Et un et grand merci. Et t'as fait le quai ça. Oui, merci, ça touche beaucoup. Pas d'alcool, évidemment, parce que c'est à consommer avec modération. Mais vous m'avez fait une très belle surprise. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ah. Vous voyez pourquoi Kix il est pas attentif durant la mission? Ouais, bah ouais, je comprends mieux, ouais. Waouh! Allez, petite musique de fête! Ça va fort, je prends la vie à pleine dent. On débriefera 2-3 choses techniques en termes d'organisation et de rythme, mais c'était très sympa. Je vous embrasse et je vous aime très fort. Merry Christmas! Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Merci de nous avoir choisi. Attention, juste avant, il faudrait déjà qu'on mette le gâteau au frigo. Oui. Pour le savourer après l'émission. Et vous avez été des amours. Et franchement, merci beaucoup pour la séquence que vous venez de faire. Alors, c'était peut-être très peu concernant pour les auditeurs, mais ça m'a beaucoup touché. Et vous êtes des amours, vraiment. Parlons de choses sérieuses. On va faire le top 5 des pires Noël. Ah. C'est une autre ambiance, c'est à l'opposé, sans transition. Et on va faire un nouveau jeu, un tout nouveau jeu créé spécialement pour cette émission aujourd'hui, et rien que cette émission, chanson de Noël ou dessert. Ok. On va vous donner un titre, Et à vous de nous dire si c'est une chanson de Noël qui existe ou si c'est un dessert. Oh mon dieu. Bon, à voir. J'ai pas lu ce qu'on a écrit pour cette séquence-là, mais je vais découvrir ça en même temps que vous. On va jouer, ça va être assez rigolo. Et le Blanklet, qui a déjà 10 minutes de retard dans la gueule, va arriver avant ça. Je peux faire de l'ASMR un peu? Pourquoi? Elle essaye de gonfler le ballon Jadoul. Non mais tu as le ballon. T'as vu la taille du ballon? Oh là là! Oh non, c'est horrible, arrête-moi ça! Déjà, attends, je peux juste. Merci pour la surprise, mais je peux juste revenir sur un détail qui, moi, me perturbe un tout petit peu. Oui. Dans le son que t'as diffusé en mode joyeux Noël, bon anniversaire et tout. Oui! Arrête, Maëva. Je suis un énorme forain à vos yeux? Non. Est-ce que pour vous, vraiment, ma vie se résume à... Ah, j'ai loupé mon effet. Attendez, je vais vous la refaire. Hop là ! On met l'effet sur la voix. J'ai loupé complètement mon effet. Oh là là. Ça va grave, on t'excuse. Et par ailleurs, je trouve que le début manquait un peu de télétexte, mais on... Oui, c'est vrai, mais j'ai pas le télétexte. Ah, mais y plus de... Je sais pas comment on peut dire. Raison, foranisme. Allez, foranisme. Je teste, est-ce que ça fonctionne? Fonctionne. Ok, c'est bon, on peut y aller. Est-ce que vraiment pour vous, je suis cette espèce de forain bouffe qui ne peut pas s'empêcher à chaque soirée de finir en mode... On y va. Ladies and gentlemen, tout le monde est là ce soir sur la piste. Tout le monde est en forme. C'est une émission chic, élégante. Une émission qui est là pour vous satisfaire par le haut, par le bas, par tous les... On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Bah ouais, ça te définit plutôt bien, bah, je trouve. Bah oui, il y a un peu de ça. Mais c'est comme ça qu'on t'aime. C'est quand même, on peut pas s'empêcher de dire Noël sans que tu lances Noël. On peut pas dire télétexte sans que tu lances télétexte. Enfin, c'est un peu ta personnalité, il faut s'y faire. Donc, Rand a pas dit que c'était du mal, hein. Donc je suis un forain. On a... Oui. D'accord. Je vais m'y faire. Et si avec ça, je peux collaborer avec le père de Maëva, DJ FNP. Ça ne s'arrête jamais. Dans un instant, on va faire le top 5 des pires Noël. On aura un son qui vient de Radio Chevauchoir. Et on aura notre grand gagnant de la haute de Noël. Tout ça, ça se passe en direct. Je perds toutes les voyelles. Bon, je pense quand même que en ce moment, il y a le patron de la radio qui est en train d'écouter et qui se dit... Qui est en train de se liquéfier. J'avais pas signé pour ça. Pourquoi? On était prévenus. On a fait une saison 2. Dans quel intérêt? Quige. Était-ce nécessaire? Ah, ça va, c'est propre. Oh, franchement, oui, propre. C'est divertissant. Mais c'est, on nous a demandé, faites du divertissement. Ouais. Est-ce qu'on ne divertit pas là? Non. Bon, je vous propose qu'on se connecte à notre influenceuse. Voici Brittany. Qu'est-ce qui se passe cette semaine à l'approche de Noël? Notre influenceuse. On se connecte au petit monde de Brittany. Coucou mes nini, c'est Brittany. Aujourd'hui, je vais vous partager la liste que j'ai demandé comme cadeau au Père Noël. Ah bon? Franchement, je mérite grave mes cadeaux. Hein. J'ai été super sage en vrai. Je me suis pas battue à l'école alors qu'il y a grave des clochards qui me saoulent. J'ai publié des stories toutes les semaines dans lesquelles je mentais presque pas. Et je me suis lavé les dents tous les jours. Enfin, presque. Oh. Alors d'abord, j'aimerais trop un nouveau lisseur pour mes cheveux. Parce que être bouclé comme un mouton, c'est pas instagrammable en fait. Moi, j'aimerais trop mes cheveux, ils soient tout raides comme ceux des oiseaux, tu vois. J'aimerais aussi un nouveau nez, parce que le mien, il est pas assez joli, wesh. Enfin, j'essaie de faire de maquillage pour qu'il ressemble à celui des Kardashian, mais il ressemble plus à celui de Monsieur Burns. Oh, ça dégoûte. Maman l'a dit, j'étais trop jeune pour faire de la chirurgie esthétique. Hein. Mais si c'est le Père Noël, elle pourra rien dire en fait. J'aimerais trop aussi avoir des maquillages de la marque Fenty Beauty de Rihanna. C'est ma chanteuse préférée, j'adore trop sa musique. Ouais, comme ça, oh baby baby, now was I so far, now way, the fun of man and none. J'aimerais trop, c'est trop du bon son. Bah oui, je veux bien aussi des extensions pour avoir des cheveux méga longs et faire des queues de cheval comme Ariana Grande. Parce que là, Père Noël, j'ai que la culotte de cheval. Oh. Oui. Je voudrais aussi un petit copain parce que depuis que je suis plus avec Steven parce qu'il a envoyé des sextos à Mélanie, bah, je me sens blindée seule. Et franchement, je suis pas difficile. Je veux juste qu'il soit métisse, les yeux bleus, grand et instagrammable. Aussi, le plus important, c'est j'aimerais faire des likes et plein d'abonnés parce que je reçois pas les cadeaux des marques. Père Noël, alors fais un effort, fais pas le rat comme les marques. Voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et attendre Noël pour recevoir tous les cadeaux que je mérite. Wow. J'espère que ça vous a plu et ça vous a peut-être donné des idées et que vous allez aussi me donner des likes comme j'ai demandé au Père Noël. Non. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'astuces beauté. Bisous et cœur avec les doigts. Waouh, wow, magnifique. Waouh. Qu'est-ce qu'elle est forte. Vous vous rendez compte que sur le temps de cette séquence, on est passé à ça d'un drame. Quoi? Oui. Heureusement que les patrons n'ont pas, se sont pas connectés 3 minutes plus tôt parce que... Ah, ils viennent seulement d'écouter? Oh. Ah. Ils ont reçu un message, oui, écoute, c'est bizarre. Sur alors, vidéo. Soit on a cafeté pour dire, il se passe vraiment de la merde sur l'antenne, il faut que quelqu'un intervienne. Dites-leur que vous écoutez, ils vont se calmer. Parce que, ouais, il y a 3 minutes, heureusement que t'écoutais pas, hein, voilà. Je passe mon message. C'était la grande fête ici. Oh, bah, c'était... Ouais, voilà, merci. Bon, c'est sous prétexte, c'est mon anniversaire. Oui, ouais. Voilà, c'est... Ouais, bon, vite fait. Les 20h, c'est Jadoul sur KIF. Maëva, oui, est-ce que je peux compter sur toi pour une chose? Tu sais, dis-moi. Très bien, là, quelle heure il est là, Maëva? 22h18. Il est 22h18? Ouais, c'est ça. Et donc, tu comprends où je veux en venir? Ouais. Parce que comme c'est une émission spéciale, évidemment, nous, on a rajouté une heure d'émission. Donc, on va lancer la troisième heure simplement. Vas-y, Maëva. Bien, il est 22h19 maintenant. Et c'est l'heure de la troisième heure. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells. Alors, jingle, tu croyais que c'était tout? Attends. Jadoul. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jadoul a décidé de prolonger. Merry Christmas. Dès 20h. Jadoul. En direct, Jadoul et son équipe sur KIF. Jadoul. Oh, ça y est, moi j'ai envie d'être dans un chalet là. Ouais. Un petit chalet cosy. Vous avez c'est fait des marchés de Noël cette année? Oui. Oui, pas en effet. Les plaisirs d'hiver déjà à Bruxelles. Oui. Oui, oui. Sans moi, alors que t'avais proposé qu'on y aille. Et je vais faire les féeries de ciné, je crois, un truc j'étais comme ça. C'est vrai que c'est le meilleur de Belgique. Ah ouais? Ciné, ouais, j'avais dit ciné, c'est pas non plus. Mais il est sponsorisé par une radio que j'aime pas, alors. Le mec. Allez, c'est dit. Il fait tout en fonction de. Non, non, pas du tout. Non, et c'est vrai que vous, niveau fête, vous faites quoi? Traditionnel, réveillon, Noël? Ouais, famille. Fondue au fromage. Oh, ça pue, ça, moi je ne peux pas. Non, ça. C'est les raclettes qui puent. Ah oui, pardon. Ah. Mais la fondue? Quoi, moins. Non, la fondue ça va. Mais c'est ça, là. Après tu brûles tes vêtements quand même. Ah oui, bah mais... tout pue quand même, oui. Mais ça. Bon. Ouais. Non, ça va être très sympa ça. Ça va être très sympa. Moi je suis impatient là. Et après, moi je suis la team qui, au 3 janvier, poubelle, tout. Les sapins, les trucs, les conneries. Plus de congé, plus rien. Ah, allez non, hop, je bosse. Mais je prends même pas de congé là. Oui, c'est vrai. Ouais, vous savez que, ah oui, on a oublié de vous le dire, mercredi prochain on est avec vous en direct. Hein. Eh oui. Ouais, L'émission ne prend pas de vacances. On a essayé de non, mais si. Pourquoi t'as été plus team congé? Non, si, bah, non, en vrai non. Ah. Parce que c'est des vacances d'être ici avec vous. Oh. Allez, ça gagne des points. C'est quoi, je te le dis, je t'aime, Maëva. Oh, moi aussi. Bah, maman, Maëva va être contente. Oui, vraiment. Je suis plus misogyne à ses yeux maintenant. On embrasse Isabelle. Il est temps. Je vous propose qu'on démarre le moment sacré de notre émission. Non, c'est ce que je pense. C'est ce que tu penses. Ah ouais. The music machine. The music machine. The music machine. The music machine. Mais Maëva, c'était magnifique cette dernière note. Je me suis envolée sur la Music Machine. Bon, c'était quasi crédible. Allez, on y va, on fait notre premier blanket de la soirée. Attention, il y en aura un deuxième juste avant 23h, donc on va se grouiller parce que là, sinon, on n'aura jamais le temps de tout faire. Pour animer évidemment ce jeu, on a un huissier de justice avec nous et pas n'importe lequel. Je vous propose qu'on accueille. Lequel? C'est lequel? Parce que je sais mais pas. C'est lequel? Merci, ah, moi. Mais avant qu'on le donne en cadeau, autant. Ah oui, autant le rentabiliser un peu. Allez, on y va. Je suis maître le feu. Est-ce que je peux le faire en direct dans la haute? Oui, bah faites ça depuis la haute, oui. Ah. Ah, il fait plus chaud peut-être dans la haute. Ah, je suis bien. Ah, ok, d'accord, je comprends. Vous êtes comme un chat, donc. Ah, je suis bien. Merci. Vous comptez les points, on va juste se contenter de ça. Ouais. Alors, règle spéciale, comme c'est spécial chanson de Noël, forcément, il y a plusieurs interprètes qui sont possibles. Donc, maître Ispa, le feu. C'est qui vous? Rappelez-moi votre nom. Moi, c'est maître le feu. D'accord, Maître Lefeu va nous indiquer si ils ont effectivement ou pas chanté cette chanson en vérifiant tout ce que l'on va dire. Attention, on joue avec la première musique, tout vient de TikTok, vous devez reconnaître titre artiste. Jouez avec nous de l'autre côté de la radio, vous allez voir, vous allez vous prendre au jeu. Je dis ça, je dis rien, mais quand je l'ai lancé, j'ai oublié de baisser la musique de fond. Tu vois celle-ci, et j'ai cru que ça faisait partie de la musique. Petit remix. Ah, ça pourrait le faire, hein. Ouais. Titre artiste. Aucune idée. Pour ce de la rue. Attention, on va avoir un temps écoulé là. Il n'y a pas de Johnny, non? Je balance un truc au hasard. Johnny? Je sais pas, oui. Bonne réponse. Noël de ma vie. Quoi? Mon Noël de ma vie. C'est un heureux un hasard. Mais c'est vraiment vrai? Oui, c'est vrai. C'est Johnny Hallyday qui chante Noël interdit. T'as la magie de Noël, Kix. Wow. Oui, en même temps, vous n'étiez pas aidé avec la version de TikTok. Noël de ma vie, mon Noël interdit. Ouh, ça fait mal aux oreilles. Jean Saturé de retour. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Eh bien, merci et à plus. À plus. Salut. Attends, c'est un forain lui aussi. Eh bien, merci et à plus. Ah, c'est fou. Le plus. Plus, ouais. Plus. En fait, quand tu dis cette phrase-là, ça fait très forain. Regarde, dis-le, par exemple, Maëva. Allez, merci, à plus. Ouais, ça marche aussi. Hein, ça fait vraiment forain, d'un coup. On y va. Donc, mettre le feu, on devine. Voilà, Kix a un point. C'est déjà bien pour démarrer. On y va, on est sur la deuxième manche. Tu ne viendras pas ce soir. Antoine, ça va t'aurer à d'abord. Et mon cœur. Peut-être. C'est Tombe la neige. Tombe la neige, bonne réponse. Tu ne viendras pas ce soir. J'ai la version de Johnny Fargo, moi. Ah, Fargo. Johnny Fargo, oui. Oui, alors là, il faut qu'on demande une vérification d'urgence. Je suis maître le feu. Alors, Tombe la neige est une chanson composée et chantée par Salvatore. En 1963. Tu ne viendras pas ce soir, Jimmy Wap, me crier mon désespoir. Mais tombe la neige. Oh, c'est pas beau. Impossible ma neige. Ça installe une ambiance, qu'on le veuille ou non. La... Et si tu te drogues à Noël, écoute ça. Bon, très bien, ça fait un point pour Kix, un point pour Antoine. On continue sur la troisième manche. Elvis Presley, Blue Christmas. Ah là, tu m'épates, vraiment, Maëva. C'est une de mes préférées. Alors que franchement, c'était pas facile. Moi, je trouve que le démarrage est fou. Écoutez vraiment la toute première seconde. Il y a une espèce de tondeuse qui cale. Il cale, ouais. Il y a un démarrage en côte qui se passe mal. C'est la poufiate de Maëva en côte. Ah, oh, ça marche bien. Récap. Je suis maître le feu. Bon, ça fait un point partout. Ah, oh, je suis bien. Il est bien dans son petit panier, lui. On continue avant dernière manche. Concentrez-vous, toute l'équipe joue. Et vous aussi, de l'autre côté de la radio. C'est nouveau pour Indice. Enfin, ça a un an, quoi. Oh merde, il l'a dit. Il l'a dit. Et Chiran, Merry Christmas avec Chirac. Elton John. Récompense à retirer les bonnes réponses des sons. Je suis le seul à avoir compris Jacques Chirac. J'ai compris Jacques Chirac. Jacques Chirac. Écoutez, mon cher Kix. Je suis sûr c'était vous. Merry Christmas. Oh là là, il est bon. Je suis maître le feu. Est-ce que j'accorde un point? Non, y a pas de point là. Bah alors pas de point. Ah, je suis bien. Allez, voici la toute dernière manche. Ça peut se jouer encore là-dessus. Je vous présente Paulette. Paulette est aussi sur TikTok et elle nous chante ceci. Devinez titre, artiste. Petit Papa Noël. Oui. Luis Mariano. On vérifie si Luis Mariano l'a aussi chanté ça. Et on écoute l'original. C'est Tino Rossi, ça. Ah, je l'ai confondu avec Tino Rossi. Mais peut-être qu'il l'a chanté, t'as de la chance. Non. Je pense pas. Bah t'as quand même du Petit Papa Noël, donc le point te va quand même. Ouais, on est gentil, nous, c'est Noël, hein. Vraiment. Maîtrise pas. Je suis maître le feu. Ah, pardon, maître le feu. Attendez, je déplace les cadeaux. Ben, ici, ça marquait que Luis Mariano, il a juste chanté Noël blanc. Ah, bon, c'est pas grave, on accorde quand même le point parce qu'il a dit Petit Papa Noël. Oui. Si tu veux. C'est fort aimable. Merci, bah. Merci. Voilà. On peut faire le récap des points de ce jeu sur le temps qu'on écoute cette version TikTok de Paulette de Petit Papa Noël. Il y a beaucoup de points. Parfait, 2 points pour Antoine, 1 point pour Maëva et Kix. Waouh, bah c'est pas mal. Une soupe au poireau. C'est sympa ça. Bon bah on peut célébrer ta victoire Maëva. Non, c'est Antoine qui a gagné. C'est Antoine. Hein. Je t'ai fait un faux espoir. Bravo Antoine, on espère que Maëva, tu vas te rattraper ta réputation. Et moi, j'espère, parce que je crois que c'est la semaine dernière. Jamais. Si, si, c'est la semaine dernière. La semaine dernière, qui que ça a gagné? Je suis en combien d'émissions? Je suis en égalité avec Maëva, hein, je dois le souligner. Et c'est ça. Allez, je vous propose qu'on refasse une deuxième partie de Blindclet juste avant la fin de l'émission, c'est-à-dire dans maintenant. Dans 5 minutes. 20 minutes. On est tellement à la bourre, les amis. Jadoul, dès 20h, ah oui, sur KIF. Ah, ben bien sûr. Oui, la magie de Noël s'empare de l'émission. Nous allons jouer à un magnifique jeu. Vous ne le connaissez pas encore, c'est normal, il vient d'être inventé. Oh. Oui, spécialement pour l'occasion. Que c'est mignon. Ce serait pas... Je viens de faire tomber toutes mes feuilles. Il faudra 20 minutes dans le désordre pour que je retrouve où est le jeu maintenant. Attends, je prends les réponses. Ah ouais. Ouais, c'est ça, ouais, vas-y. Non. On est loyal ici. Là, c'est la merde. Il faut que je range toutes mes feuilles. Donc, je vous propose qu'on écoute un titre. Non, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, attends. On va refaire le récap. Le récap des cadeaux de la route de Noël. Parce qu'on va encore retenter une dernière fois d'appeler l'un ou l'une d'entre vous qui s'est inscrite par message. Et ce sera peut-être le grand moment où la hotte va être gagnée. Dans la hotte de Noël, on a réuni les plus beau cadeau qu'on pouvait vous offrir pour cette fin d'année, c'est-à-dire tout ce qui était au fond de nos tiroirs, au fond de nos poubelles, on l'a réuni dans une hotte. Cette hotte, Maëva, pour le moment, contient... Alors, elle contient un cure-dent... Une capsule de bière. Une vareuse de sport. Mais oh waouh, il la connaît par cœur. Un porte-manteau, non mais je l'ai devant moi. Ah oui, donc une capsule de bière pliée, une vareuse de sport, un porte-manteau, un demi-cure-dent, les aiguilles d'une horloge, un enjoliveur griffé, une boîte de Ferrero Rocher vide, un roman photo sur les barrages hydrauliques, un ongle, un vélo Lego de taille humaine. Oh, tant de cadeaux. Une serviette de chez Master Frit, ouais. Une touche F7 de clavier. Wow. D'accord, ouais, ouais. Ça en fait du monde. Et on s'arrête ? Non, on rajoute un truc. Allez, on rajoute un truc. Et c'est Noël. Et franchement, tiens, un jour dans l'année, on peut se faire plaisir. Et aller sans limite. C'est aujourd'hui. C'est Noël, le temps des cadeaux. Et il y avait mettre le feu. Et il y a mettre le feu aussi dans la hotte. Ouais, mais moi, on me touche pas. Moi, je suis bien là. Rajoute un calendrier de l'Avent offert par Alibaba de 31 jours avec quelques chocolats en moins. Il est né le petit Jésus dans les tables. Oula, oui, d'accord. Je vous propose qu'on retourne dans la magie de Noël. Déjà assez à la bourre comme ça. Vous avez vu, je sais pas si vous l'avez vu, ça, cette bûche de Noël de Cédric Grolet. Ouais, à 90 euros. Ça, ça, merci d'avoir spoilé la fin de ma séquence. Voilà, allez, bah, let's go. Eh ben, on n'a pas le temps à dire. Je vous remercie. Je n'ai absolument rien d'autre à dire pour cette émission. Dès 20h, c'est Jadoul. Voilà, on va écouter artiste maintenant. Désolée, c'était ça. Un dernier mot, Jadoul. Mais non, mais vas-y, fais-la, on fait genre on n'a pas entendu. Un dernier mot, Jadoul. Mais oui, mais tout le monde le sait, enfin. Okay. Bah peut-être pas, hein. Il y a des gens qui n'ont pas les réseaux sociaux. Il y a des gens comme Kix qui vivent dans des grottes et il faut recontextualiser. C'était vraiment ça ta séquence. Mais vas-y, refais-la, enfin, je sais pas, essaye. Essaye, vas-y. Tente, mon enfant, tente. Ah là là. Bah, je fais comme si de rien n'était, hein. La, c'était quoi du coup l'histoire avec la bûche avec de Cédric Gollard? Gollard? Grolet, c'est le pâtissier à Paris, ça? Oh, bah oui, tiens, c'est marrant, ça, vous le connaissez? Tiens. Il a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et beaucoup de critiques. Pourquoi? Concernant l'apparence et le coût très élevé de cette bûche que je vous montre. Ah bon? Oh, oh. Bah, oui, qu'est-ce qu'elle a spécial, cette bûche? Bah, eh bien. Alors, je ne sais pas. Ah, on dirait un bonhomme de neige fondu. Ah oui, ça va décriver pour les gens à la radio parce qu'ils n'ont pas l'image. Bah, c'est un petit bonhomme tout blanc. Donc c'est un gâteau en forme de personnage, en forme de bonhomme couché. Fondu. Enfin, il est censé être debout, couché. Je sais pas de quelle position il est là. Et il est tout blanc. Voilà. Il y a rien de spécial en fait. C'est vraiment le gâteau le plus sobre qu'on puisse trouver, quoi. Et comme la radio, ce n'est pas Magouille et compagnie, je vous propose de découvrir le prix. Le prix de cette bûche de Noël. Est-ce que l'équipe a une idée du prix de cette putain de bûche? Aucune idée, franchement. 30 euros. 30 euros, ouais. C'est plus. Non, plus. Ça peut pas être plus. 40, 43. La mascarade va durer longtemps. Bon, c'est 95 euros. Voilà, allez. Donc, en gros, cette bûche nous a donné une idée. Parce que ce n'est pas que ça, ma séquence. Ah, ouf. Tu m'envoies rassurer. Ouais. Oh, mais quelle fête foraine ici! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Allez, on se détend, on arrête de rire maintenant. Okay. La vie comme une fête foraine. Le but est de retrouver dès à présent si le titre que je vais vous donner, c'est une musique ou alors un gâteau. Un gâteau? Un gâteau? Oui, il y a un accent circonflexe. Ok. Prends un bout de gâteau. On y va, on commence avec. Le bonhomme à lunettes, là. Non, l'autre. Ah, Antoine. Le condor. Ça a été relu, ce qu'on vient de me donner? Oui. Alors... Enfin non, bah non, vu que je pouvais pas regarder les réponses. Je m'adresse aux auteurs de cette émission. Ah. Quelle est la crédibilité si je dis « Est-ce que c'est un gâteau? All I want for Christmas is you. » Bah écoute, moi j'ai fait le travail qu'on m'a demandé. Ça pue la merde, un peu. Et si je dis... Petit Papa Noël? Bah c'est peut-être un nom de gâteau. C'est bien le nom du chien de, dans les Simpsons. C'est vrai. C'est vrai. Ah. Antoine, bon. Gâteau ou pas gâteau? Pour lequel des deux? Petit Papa Noël. Chanson. Chanson. Oh bravo. Ah, incroyable. Ah, trop fort. passe un excellent moment. Jingle Bell, Eva. Musique ou gâteau? C'est super dur. Bah dites donc. Musique. C'est une bonne réponse. Troisième. J'ai pas été à me tromper. Hein. Qui a écrit ce jeu? Dis la vérité. Qui? Dis la vérité. Disais. Kix. Disais. Oh putain. Kix. En dehors d'être un illettré. Moi, je ne peux pas regarder les réponses. Moi, je ne fais pas le jeu, je ne regarde pas les réponses. Je te montre les réponses. Qui a écrit ce torchon? ChatGPT. J'ai mal aux côtes. C'est vrai? Ah, c'est un travail d'équipe, Jadoul. Non, attends, non, on arrête tout. On m'a dit dans l'oreille. Demande. Attends, ce jeu a été préparé par ChatGPT? Juste celui-là, oui. Mais il fait semblant qu'il ne le savait c'est pas. C'est quoi, escroquerie FM ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, on fait des jeux avec ChatGPT. Non, mais vraiment, d'accord, ça, c'est qualitatif. Hein. Il est prêt à nous remplacer, ChatGPT, là. Hein. Oh là là. Bah, comme quoi, il faut pas lui faire confiance. Moi, je peux pas vérifier, sinon. Allez, tiens, bah, celui-là, évidemment, tu peux pas te tromper. Kix. Oui. Joyeux Noël, c'est le nom d'un gâteau ou d'une musique? Dans les deux cas, la réponse est C'est une musique. Il est l'heure de rappeler que l'excès de ChatGPT peut nuire. Exactement, c'est la meilleure conclusion qu'on peut avoir à cette séquence. Vous savez quoi? Ce jeu, première fois. Deux journalistes, trois producteurs, 4 heures d'antenne, 5 auteurs, 0 problème technique, 6 personnes au micro. Jadoul, dès 20h, en direct. Enfin, ça, c'était le projet. KIF leur a finalement accordé 5 euros et un repas chaud. Et voici ce que ça donne. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Attendez, j'arrive. Qui est là? Vous êtes où? 5. Oh, pardon. Pardon. En fait, c'est mon code de carte bleue, parfait. Il faut qu'on vous raconte les coulisses de ce qui vient de se passer. Oui, il a dit 6715. Mais parce que. Le chiffre 5. Ah. J'ai piqué le téléphone de Maëva. Mais elle dit pas à tout Bruxelles mon code de téléphone. Mais je voulais. Arrêtez de me parler dans mon casque quand je parle. Je voulais envoyer des messages à son répertoire. Ouais. Et je lui ai fait croire que c'était pour autre chose. Et donc j'ai demandé son code de téléphone. Et elle m'a dit 6715. Et moi je l'ai répété à l'antenne. Sauf que mon micro était ouvert. Et vous l'avez pas entendu. Fabuleux. Parce que c'était que dans mes oreilles. Voilà. Comme ça vous savez. Donc on disait 6715. Nickel, je peux changer de code dès demain. J'envoie à ta maman. Heureux, de toute façon elle t'écoute. Elle sait bien que c'est toi. Coucou. Je t'apprécie. Mais depuis que tu as traité comme ça Jadoul à l'antenne. Je quitte la maison. Ouais, t'es dans la merde, hein, il faut que tu retrouves un logement, d'accord? D'accord. Ça te va? Ton canapé, il est libre? Non. Il y a mon chat dessus, donc je peux pas. Allez. Il est temps d'offrir cette grande... Oh putain, on est méga labour. La grande hôte de Noël, on fait le récap de tous les cadeaux qu'il y a à l'intérieur. Toutes les radios sont jalouses des cadeaux qu'on va vous offrir ce soir. Alors, il y a la capsule de bière pliée, la vareuse de sport, le porte-manteau, le demi-cure-dent, les aiguilles d'une horloge, l'enjoliveur griffé, la boîte de Ferrero Rocher vide, le roman photo sur les barrages hydrauliques, un ongle, un vélo Lego avec les roues carrées, une serviette de chez Master Frites, mettre le feu, qui était là, il traînait, ouais, et pas. Une touche F7 de clavier, et le calendrier de l'Avent Alibaba. Ah oui, qui n'a que... Qui est vide parce qu'on est déjà le... Enfin, il y avait 31 cases, mais on est déjà le 20, donc... Bah, 11. Et si on le livre, si on les livre demain, oh, peut-être qu'il y en aura. Enfin voilà. Ouais. Oh, c'est ouf. Voilà. Ah, c'est incroyable. Et donc, toujours pas répondu ta maman. Oui, pour participer, c'était simple. Il fallait envoyer un message hot. Oui, par via Instagram. C'est ça. C'est à Jadoul. Voilà, donc c'est hot, H-O-T-E. On a tiré au sort quelqu'un. Encore une fois. Pour la quatrième fois, nous allons tenter de joindre quelqu'un, mais jusqu'ici, on s'est pris que des vents. C'est des magnifiques cadeaux, vous vous rendez compte? Une capsule, ça se trouve pas tous les jours, des bouts d'horloge, un mètre le feu. Le bout d'ongle. Un bout d'ongle. Mais vous vous rendez compte? Du métro 2. C'est Noël. Métro, ligne 2. Ligne 2, pardon. C'est Noël avant l'heure. Il faut absolument qu'on fasse sonner le téléphone maintenant. On est en direct. Le standard fait le numéro. J'espère que ça va décrocher parce que c'est la dernière fois qu'on fait cette séquence à l'antenne avant les fêtes. Il y a quelqu'un? Allô? Allô? Réessaye. Il y a eu un bug. Là, je pense qu'il y a eu un bug. Ou alors, il y a pas un autre joueur? Je sais pas. Non, on va réessayer quand même. Attends, ce serait con. Allô? Allô? Oui? Ah, on m'entend. Ça y est. Allô, oui. J'ai affaire à qui là au téléphone? Ah, c'est Leïla. Leïla, tu écoutais l'émission. Tu as entendu les magnifiques cadeaux qu'on offre dans la Haute de Noël? Oui. On a une bonne nouvelle pour toi. C'est pas vrai. On a une très très bonne nouvelle. Attendez, faut que je m'assoie. Oui, là, il faut s'asseoir. C'est bon, je suis assis. Vite fait, rappelle juste les plus gros cadeaux, Maëva. Bah, il y avait une capsule de bière pliée, il y avait la vareuse de sport sale, l'enjoliveur griffé, la boîte de Ferrero vide, un ongle trouvé dans le métro ligne 2. La touche F7 du clavier. Oui, le demi-cure-dent était pas mal aussi. Le porte-manteau. Bref, tous ces cadeaux sont pour toi. Tu remportes la Haute de Noël. Félicitations, Leïla. Bravo! Allô? Oui? J'ai vraiment rien entendu. Oui, tu as gagné, là ça y est, c'est officiel. Félicitations. Je suis trop contente les gars, j'étais justement en dash pour offrir des cadeaux à ma famille. Voilà, c'est fait. Tu auras un morceau d'ongle sous le sapin, Leïla, bravo. Oh mais merci, j'ose, j'adore. Oh là là. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu m'offrir, je vous jure. Ah, je vais pleurer là. Même Maëva était ému ici. C'est tellement, je trouve tellement précieux et fine, un morceau d'ongle. Ouais. Très dommage qu'on n'offre pas un iPhone parce que là, ça capte mal. Hein. Oui, je suis désolée. Non, en fait, je t'explique, j'ai mon chat qui ronronne à côté. C'est un gros problème. D'accord, j'ai bien compris. En tout cas, bravo et joyeux Noël. Merci de nous écouter. On va prendre tes coordonnées en antenne pour t'offrir tous ces beaux cadeaux. Bravo, oui, Leïla. Vous êtes géniaux, changez pas, franchement. Et joyeux Noël aussi. Merci. Joyeux Noël, on t'embrasse. Gros bisous, Leïla. Joyeux Noël. Et bravo pour ce magnifique cadeau que tu viens de remporter. Waouh, comme énorme. Quoi, on peut remporter des très beaux cadeaux rien qu'en écoutant cette émission et je suis ému, là, je dois vous le dire. Ouais, non, c'est vrai que c'est très émouvant. Et Maëva qui est très émue aussi. Oui, mais non, illuminer comme ça la vie de nos auditeurs en fait. Ça valait le coup. Le temps des cadeaux. Non, c'est pas Chantal Latou. Vous savez ce qu'on attend là? Non, du tout. Moi, je sais. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Mais non, mais ça va pas, ça, Maëva. The Music Machine. Et coupé. Oh. C'est dans la boîte. On recommence, on n'a pas le choix. Je suis désolé. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Ah, c'est toujours de mieux en mieux. Hein. Dis donc, dis donc. Waouh. Elle est contente. Elle est contente. Pour nous aider à arbitrer ce jeu ce soir. Je suis maître le feu. C'est moi. C'est pas lui? Mais non, je maîtrise pas. Je suis pas maître le feu, moi. Oh, mais non, maître le feu, il est parti. Il est parti avec la route. Moi, je m'en. Ah oui, c'est vrai, on l'a offert. Maître le feu, il est parti. Vous avez fait quoi? Vous allez faire pareil avec moi? Oh. On maîtrise pas, je suis l'huissier du choix. Peut-être. Pour le petit Jadoul et toute son équipe. On maîtrise pas, la la la la la la. Je suis votre huissier et vous allez m'aimer toute la vie. Bonsoir maîtrise pas, soyez le bienvenu. Bonsoir, merci bien, joyeux Noël, bonjour à toute ma famille, tous ceux qui m'écoutent, c'est très content d'être ici. Qu'est-ce qu'il gueule? J'ai envie de vous offrir plein de trucs, et c'est pour ça que j'ai compté sur Jadoul pour m'offrir plein de cadeaux pour vous les offrir à ma famille. On embrasse nos voisins. Nos voisins doivent être ravis de maîtrise. Allez, soyez les bienvenus. Vous jouez de l'autre côté de la radio. Le principe est simple, on découvre titre artiste, des extraits que vous allez entendre qui proviennent tous de TikTok. Et yes. Maître l'ISPA vérifiera ils ont bien interprété effectivement ces chants. Parce que le problème des chants de Noël, c'est que tout le monde les a chantés à un moment. Donc il faut quand même le vérifier. Tout le monde est prêt? Oui. Oui. On y va, voici le premier extrait. Premièrement, jouez avec nous. Je l'ai trouvé au petit matin. Ah, ça sature. Ah. Mes grands souliers. La fille du Père Noël? Oui, c'est qui chante ça? Dutronc? Non. Bonne réponse. Si, c'est lui. Mais le fils? Jacques Dutronc. Ah, c'est Jacques. Et là? version TikTok. C'était la fille du Père Noël. C'est trop vite là. Olé. J'étais le fils du Père Fouettard. Oh là là là là, là. J'adore. Elle s'appelait Marie-Joël. Oh, maîtrise pas. Ça fait un point pour Maëva. Ah bah oui, ça merci, on aurait pu le dire. Retour de Paulette. Paulette, cette fois-ci, nous interprète. White Christmas, enfin Noël blanc. Noël blanc. Et moi j'ai White Christmas. Ouais, bah, je prends quand même Noël blanc, je prends. Quand j'entends sonner au ciel. Mireille Mathieu, cette version là, pourquoi pas? Ben vous savez quoi, moi je suis plus fan de la version de Clara Luciani. Antoine descend de la table. Attendez, on entend un truc là. Ah, Antoine. C'était très sale. Oh, les gens qui ont l'image, bon. On y va, on continue, voici la troisième manche, on reste dans le thème. Mais on a déjà eu. Ah non, Noël Elvis blanc. Presley. Et donc White Christmas. Non. Alors Antoine vient de dire Elvis qui est la bonne réponse. C'est moi qui ai dit Elvis. Non mais Antoine. Non, ça c'est premier. Blues Christmas, ah, bon. On l'a déjà eu. Et non, c'est White Christmas. Waouh. Ok. Ouais. Ok. Non, fais-moi la maline. Ouais. Version TikTok. Le gars s'appelle quand même Joe Presley. Son petit cousin peut-être. Ouais peut-être. Oh, maîtrise pas. Ça fait 3 points pour Maëva et 1 point pour Antoine. Ah bah c'est déjà pas mal. On continue. Kix, t'es là? Oui, je suis là. Ah, okay. Je vous regarde. Amusez-vous. Je suis là, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou, mais nous. On y va, suivant. Ah, Marilyn Monroe. Non. Ah, je sais pas, faudrait qu'il vérifie. C'est Santa Baby. Non, je raconte. Oui, c'est Santa Baby. Elle bravo pour le titre. Oh, purée, comment elle s'appelle? Tu vois la pochette? C'est une. Ouais, je sais pas. Bon, on va pas aller loin avec ça. Est-ce que maître... Mais Michael Bublé l'a chanté. Oui, ça je sais. Oui, c'est vrai que ça va. Bon, on le tu prend. M'as dit que... On prend... Mais c'est qui elle? Really, Erta Kitt. Been an angel all year, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Son TikTok. Bon, franchement, c'est pas mal. C'est pas si mal. Elle a juste la voix de Régine. Écoutez bien. Attendez, non, c'est où? Ouais, et l'anglais est pas au top. Hein. Ouais, c'est un peu Régine. La vie comme une fête foraine. On maîtrise pas. Alors, pour information, j'ai regardé via les gogoles et les gogoles, il a dit. Dans certaines compilations CD dédiées à Marilyn Monroe. Grouillez-vous. Et sur des vidéos en ligne, on y retrouve parfois le titre Santa Baby de Marilyn. On prend. Or, ce n'est pas Marilyn qui chante, okay, il s'agit de la chanteuse. On prend, merci. Un point pour Kix aussi. Un point pour Kix. Allez, c'est bon, vite récap des points. Et un point pour Maëva, ça fait 4 points pour Maëva. Et Maëva, à part ça, il y a d'autres choses, non? Qu'est-ce que c'est? Un point pour Antoine. Ah, Antoine a donné les réponses. Bah oui, tout à l'heure. Oui. Oh là là, mais vous êtes. J'ai fait un point pour Kix et Antoine et 4 points pour Maëva. Vous savez quoi? De toute façon, on va devoir recruter un nouvel huissier de justice parce que Maître Lefeu n'est pas là. Enfin, n'est plus là, puisqu'on l'a offert. On va devoir recruter quelqu'un pour vous remplacer, c'est plus possible. Oh, on y va, on fait la dernière manche. Le pauvre chat. Don't want to Maria Carré, all I want for Christmas is you. Bravo Antoine. Just one thing I need. One thing. Juste pour le plaisir. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. On y va. I just want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Chante avec lui. Sponsorisé par l'English Institute. Underneath the Christmas tree. C'était effectivement Maria Carré. I don't want a lot for Christmas. Il a un de ses grains de voix, ce garçon. You, baby, all I want for Christmas is you, baby, all I want for Christmas. Mais ça tourne en rond, hein. Is you, baby, all I want for Christmas. Allez, il continue. Contrôle L delete. On voit qu'il est planté. Et où est la fin? Où est la fin? Baby, all I want for me. Il baisse le son. T'entends sa voix, elle baisse. Baby, bye. Bye. Bye. Oh, maîtrise pas, maîtrise pas. Je fais 2 points pour Antoine, 4 points pour Maeva et 1 point pour Kix. Qui gagne? Maeva! Danser autour du verre sapin en se frottant dans les mains. Allez, une dernière fois avant le générique de fin. C'est Noël, le temps des cadeaux. Noël, Noël, ding dong dong. Voilà, c'est tout, merci. Hey, les amis, on a fait une superbe émission, oui, de 3 heures. Magnifique. À retrouver en podcast absolument partout. D'ici là, merci pour ce chouette moment d'anniversaire à l'antenne. Merci aussi pour toute cette année 2023 à l'antenne. On a c'est fait vrai. Une année entière. Oui. Voilà, et on vous aime du fond du cœur. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous embrasse bien fort. Que tout se passe bien. Ouais, que vous soyez heureux. Et un joyeux Noël à tous. Et joyeux Noël. Bonne fête. Jadoul revient mercredi prochain.